Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Sébastien Gertin facilitera notre compréhension de l'actualité dans son bulletin Gertin. Et Frédéric Simon, oui, vous donnera envie d'avoir plus d'impro en allant dans les coulisses de l'huître. Il réussira jamais à te convaincre. Ben non, je suis désolé. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce mercredi 11 avril 2018. On est à 16 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. On entre dans le top 10 des émissions. Ok, oui. Il nous reste seulement 10 émissions à partir de maintenant. C'est comme ça que ça se passe. C'est génial. Aujourd'hui, dans notre beau programme, Sébastien Guertin va être là à 7h30 pour son bulletin Guertin. On va prendre le sujet de l'actualité et le comprendre un petit peu mieux, hein, lui qui connaît tellement ses affaires. Mm-hmm. Donc, c'est à 7h30. C'est le seul chroniqueur régulier qu'on a aujourd'hui. On a un invité spécial pour faire dans les coulisses de la Luître plus tard à 9h. Frédéric Simon va être là, lui qu'on connaît entre autres pour sa chronique au Mathieu Planchot. Il va être avec nous pour nous parler du match de lundi dernier, la demi-finale 2, et le match de lundi prochain qui est la grande finale de la Luître. Ah oui! Aussi contre les dodo avant la fin. Ah ben oui, clairement. Ah oui. Ta collègue s'en vient aussi, Tania Isugola Entertainer. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de vos doigts. Nos doigts. Oui, oui, j'en dis pas plus. C'est le doigt, c'est ça? Non, pas t'as le doigt. Non, t'as pas le doigt, mais t'as le doigt. T'as le doigt dessus. Mais, tu sais, ça dépend. Hein? On va parler de doigts, mais un mystère derrière les doigts. Je m'en vais étudier en doigts à l'université. Ouais, c'est ça, exactement. T'as le doigt. Ça et plein d'autres choses. En fait, d'ici la fin de l'émission, on va s'arranger pour jouer à Le vrai le faux. Mm-hmm. Le buzzer est prêt. Mm-hmm. Mm-hmm. On fait ça de moins souvent, tu sais, de ces temps-ci, fait qu'on va se forcer un peu. Oui. On va commencer avec son foutu palmarès dans quelques minutes. On va parler en fait de mystère et d'horreur. Ouh. Mais avant ça, on écoute Daniel Duval avec une nouvelle entrée prévisionnelle des palmarès du côté francophone. Le palmarès en ce moment, pour une raison que j'ignore, est du 2 au 15 avril. On est déjà en mode suivant. Ben ouais, deux semaines. On n'a pas de problème. Donc Daniel Duval va être, j'imagine, dans le prochain palmarès à partir du 16 avril. Probablement. Devine, celui du 16 avril au 22. Au 22-32. C'est ça. D'Ars. Un nouveau mois. Ouais, hein? Ok. Daniel Duval, n'importe quand. J'essayais de parler de temps pour amener vers le titre de ouais, la chanson. N'importe je comprends. Quand. C'est n'importe quoi aussi. T'as le doigt. Merci. Sur moi, naturellement tu passes sans me voir. Est-ce possible là, sans gêne de te proposer? Tout mon moi pour toi, je meurs d'envie de t'aimer. Classique. Quand tu joues avec moi, je perds la logique. Je confesse que ma passion pour toi est mythique. Notre amour, je crois, bientôt sera physique. Je ferai n'importe quoi, hey, hey. N'importe quand pour toi, hey. n'importe quoi, n'importe quand pour toi, n'importe quand pour toi, n'importe quand pour toi. N'importe quand, Daniel Duval, dans l'émission du matin Assemblage Requis. Oui, sur les ondes de cette station. Oh oui! Ah, maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique, on est allé sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, notre thématique, c'est l'horreur et le mystère. Est-ce que t'es du type à écouter des émissions policières, des trucs avec des dossiers irrésolus, ouais? Clairement. C'est tellement une passion dans ma vie. Des fois, tu sais, quand je commence à en regarder un, j'en regarde beaucoup plusieurs. Oui, c'est ça, exactement, moi aussi. C'est difficile d'arrêter. C'est comme le jus d'orange, tu sais. Ça s'arrête pas, en fait. C'est comme les Lays. C'est comme les une Lays. Une fois que t'arrêtes, une fois que tu commences, tu t'arrêtes plus. C'est ça leur slogan. Une fois qu'il faut pas que tu t'arrêtes, qu'une fois que tu commences, que c'est plus, t'arrêtes plus. C'est ça, t'as le doigt. C'est ça leur slogan. Donc, on parle aujourd'hui de dossiers mystères. Oui. Unsolved Mysteries en anglais, des choses que vous connaissez peut-être pas. J'ai pas de fait vraiment québécois là-dedans, en fait, aucun. Mais quand même, on parlait de ce qui était là avant qu'on le traduise en français. C'est la même émission, finalement. Hein? Mm-hmm. Donc, Dossier Mystère, ça a commencé en tant qu'une série de spéciaux, des émissions spéciales à la télé. Trois émissions spéciales nommées, attention, Missing. Have you seen this person? Oh! Tu sais, comme dans Rechercher, avez-vous vu cette personne? C'est un peu long comme titre. Animé par David Burney et sa femme Meredith Baxter, ça a été diffusé sur NBC en avril 1986. Les émissions spéciales ont eu tellement de succès que les producteurs Terry Dunn, Muir et John Cosgrove ont décidé d'élargir un petit peu le spectre de l'émission, donc pas seulement des personnes recherchées, mais toutes sortes de mystères. Il y a même eu des extraterrestres, des affaires de fantômes, ça n'a pas d'allure. Ensuite, l'animateur aux États-Unis était Robert Stack, mais ça n'a pas été toujours l'animateur de l'émission. Ce qui est devenu plus tard l'émission pilote de Dossier Mystère, mais qui à l'époque n'était qu'une émission spéciale, a été diffusée la première fois le 20 janvier 1987, animée par Raymond Burr. Carl Malden a animé les deux émissions spéciales suivantes, et puis Robert Stack a pris les rênes dans l'autre émission suivante, faisant la narration de quelques émissions spéciales et les épisodes hebdomadaires jusqu'à ce que l'émission quitte les ondes en 2002. Je ne savais pas que ça avait duré aussi longtemps. Moi non plus. Jusqu'en 2002. Plus tard, l'émission est revenue avec Dennis Farina à l'animation, Stack qui est mort lui en 2003. Dans les premiers épisodes, l'émission n'utilisait pas d'acteurs pour faire ses reconstitutions. Cette émission-là est connue surtout pour les reconstitutions de mystères, de ces dossiers irrésolus. Selon le réalisateur David Vassar, qui a réalisé 100 segments de l'émission, dans les premiers épisodes, s'il y avait des reconstitutions, c'était les vraies personnes dans les cas mentionnés qui jouaient leur propre rôle. C'est ce qu'il a dit dans les commentaires DVD. C'est pour ça que le talent d'acteur, entre guillemets, des premières saisons, était pas malade. Hein? Mm-hmm. Donc, avec l'expérience, ils ont commencé à pouvoir faire de l'argent assez pour pouvoir se permettre des acteurs locaux, des personnes qui sont un petit peu meilleures pour jouer le rôle des personnes elles-mêmes. Il y avait une façon facile de savoir si les acteurs étaient vraiment mauvais. C'est quelque chose de connu dans le monde de Unsolved Mysteries. Si le narrateur parle beaucoup et que les acteurs ne parlent pas du tout, c'est que leur talent d'acteur n'était pas là. Et le narrateur est là pour couvrir leur mauvais acting. Mm-hmm. Donc, si tout le monde se parle dans les reconstitutions, si tout le monde placote, c'est que les acteurs étaient quand même bons, donc on pouvait se permettre de leur écrire des lignes. Donc, c'est ça, vous pouvez compter, c'est un jeu qu'il y a sur Internet, de compter le nombre de secondes entre deux fois où les gens parlent. Là, on s'en avait tout calculé, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi, dans l'émission Dossier Mystère, ils comptaient le nombre de secondes qu'ils pouvaient prendre des acteurs pour mettre dans l'intro. Plus tu pouvais jouer de blabla dans l'ouverture, meilleure était la scène plus tard dans l'émission. Donc, c'est comme assez simple à comprendre. Ensuite, les réconstitutions n'étaient pas la composante la plus importante de l'émission, selon les producteurs. Les entrevues étaient super importantes pour la façon que Dossier Mystère fonctionnait. Mm-hmm. Les gens auraient pensé que ça aurait pu être les récréations, les reconstitutions, ben ouais. comme les producteurs le disent, mais vraiment d'avoir des gens qui peuvent parler et raconter l'histoire avec émotion. C'est ce qui faisait que l'émission fonctionnait, disent-ils. On a confiance en les entrevues. Et justement, les réalisateurs avaient confiance en les entrevues parce que c'est ce qui leur donnait du contenu pour pouvoir écrire leur reconstitution et que ça soit le plus fidèle possible. Les réalisateurs de l'émission Dossier Mystère venaient en fait du monde des documentaires. Ah, OK. Ouais, dans les premières saisons, ça paraissait parce qu'ils utilisaient leur vraie vie, les vraies affaires qu'ils avaient vues. Seulement à l'occasion, avaient-ils travaillé avec des acteurs? Et s'ils avaient travaillé avec des acteurs, c'était peut-être des gens qui avaient animé des documentaires qu'ils avaient créés. Donc, dans les premières saisons aussi, on dit que l'équipe était très petite. C'était pas mal le réalisateur, directeur de la photographie, un assistant à la photographie et un gars du son, un producteur, un gars à l'éclairage ou des trucs comme ça. Il y avait pas beaucoup de personnes, 5 ou 6, pour essayer de faire ces petits courts-métrages. C'est comme des mini-documentaires dans Dossier Mystère. Ils faisaient tout eux-mêmes. C'était vraiment pas cher à créer. C'est des raisons pour lesquelles peut-être ça a duré aussi longtemps. Hein. Ça coûte pas mal moins cher qu'une dramatique. Oui. Au début des années 90, un drame scripté à la télé, ça coûtait environ 1,5 million par épisode. OK. Ça, c'était au début des années 90. Cosgrove a dit au Baltimore Sun que Unsolved Mysteries coûtait entre 25 et 40% de ce coût-là. Donc, c'était vraiment pas cher. Chez NBC, ils ont dit « Oui, on accepte ». 375 000 $ pour une émission qui finissait peut-être 11e dans les codes d'écoute ou sinon un drame qui coûtait 1,5 million qui finissait 40e. Le choix était facile à faire pour le réseau qui diffusait l'émission. Stack, l'animateur de l'émission, pendant un bon moment, a comparé Dossier Mystère à du théâtre. Ah, OK. Ouais, donc ils essayaient de produire du théâtre en rendant service au public. Hein? Sa comparaison n'arrêtait pas là. Il voyait sa charge en tant qu'animateur comme le stage manager, si on veut. Donc, la pièce de théâtre en quelques actes où l'animateur vient faire la narration entre les, mm-hmm. Entre les portions. Voilà. Ensuite, le format en 4 segments de l'émission Dossier Mystère était fait pour réussir à garder les téléspectateurs. Le nombre de segments couvrait plusieurs thèmes ou thématiques, dont meurtre, personne recherchée, fugitif recherché, ovni, fantôme, l'inexpliqué, ça c'est le paranormal, d'amnésie, fraude et un paquet d'autres affaires comme ça. Chaque émission, c'était 4 segments, plus une mise à jour d'un précédent cas. Chaque émission, ou presque, avait une mort inexpliquée à l'intérieur, et presque chaque émission devait avoir au moins une histoire d'amour. Et ensuite, il faisait un mélange pour créer la meilleure émission possible pour que les gens restent à l'écoute. 4 différents segments dans 4 différentes aires, zones, pour que les gens puissent trouver quelque chose qu'ils aiment dans chaque émission. Ensuite, évidemment, on connaît tous la chanson thème de Dossier Mystère. Mm-hmm. La musique qui fait peur quand même, qui a été écrite par Gary Malkin, qui était aussi le compositeur principal de l'émission. Il y avait beaucoup d'enfants apparemment qui quittaient la pièce quand l'émission commençait parce qu'ils avaient trop peur. Mmh. On dit que la musique était tellement distincte qu'on n'avait même pas besoin de savoir qu'on était que l'émission jouait à la télé dans la pièce pour savoir que c'était ça juste en entendant la musique. La musique a été mise à jour 4 fois en tout et quand l'émission est revenue en 2008, elle est revenue avec un nouveau thème ainsi qu'un nouveau logo, un nouvel animateur. Ça n'a pas duré aussi longtemps. On a besoin de cette chanson thème-là. Ben oui. Fait peur. Continuons avec les codes d'écoute de cette émission Dossier Mystère, c'est de ça qu'on parle. En 1990, l'émission était numéro 11 pour toutes les séries télé de l'année. Quand j'ai dit tantôt numéro 11 pour 350 000 $ versus 1,5 million pour la 40e place. Hein. Donc cette télé-réalité animée par Robert Stack et l'ancienne vedette de The Untouchables est devenue un succès. C'est ce que Los Angeles Times écrivait 2 ans plus tard. Et dans les 4 dernières semaines, selon l'article, l'émission était en 3e, 16e, 8e et 10e semaine dans les codes d'écoute. Donc, quand même un énorme succès dans les années 90. Elle a été nominée pour 6 Emmy Awards dans la catégorie Outstanding Informational Series. Donc, Dossier Mystère qui a été nominé en 89, 90, 91, 92, 93 et 95. Ils ont sauté 94. L'émission a jamais gagné, perdant contre des émissions comme l'émission de nature Nature sur PBS, Smithsonian World, The Civil War et d'autres trucs comme ça. Une série sur le baseball aussi chez PBS. Les producteurs avaient une petite idée par rapport pour savoir, au fond, pourquoi le succès était aussi présent. Uh-huh. On dit que c'est la narration, entre autres, de l'animateur qui est très, très importante. Bon, je me rappelle plus nécessairement qui faisait la narration au Québec de Dossier Mystère. Si je peux chercher. Je me souviens pas du tout non plus. Et attends un peu. Dossier Mystère, le comédien Michel Dumont. Ah oui? Sur Canal D, c'est ça? Produit par, créé par Jean Leclerc, produit en anglais et en français. Non, ça c'est Northern Mystery. C'est pas la même chose que Dossier Mystère. Ouais. Ah, es-tu en train de me dire, dans le fond, cher Wikipédia, que la version qu'on a eue de Dossier Mystère n'était pas la version originale américaine? Ça se peut. Je ne savais pas. C'est la version canadienne, je savais même pas qu'il y en avait une. Mm-hmm. Eh ben, Colin. Bref, c'est toujours la narration qui est importante pour faire part au monde. Oui, ce clairement. Qu'on dit. Donc, que ce soit en français, en anglais, au Canada, aux États-Unis. Numéro 2, la curiosité, bien sûr. Les gens sont fascinés par quelque chose qui pourrait se passer à côté de chez eux. Mm-hmm. Hein? Finalement, le numéro 3, c'est qu'ils voulaient avoir peur. Ben oui. C'est clair comme ça. Grâce à Jack the Ripper, il y a un dossier mystère spécial d'émission d'Halloween. Dans sa première année en onde, il y avait une émission d'Halloween, oui, de Unsolved Mysteries. Une heure complète dévouée aux fantômes. Ouh! Ouais. C'est ce qu'on disait sur le commentaire DVD, faire une heure complète, ça rendait les producteurs sceptiques, mais ils l'ont quand même essayé. Changement de formule, 4 segments qui seraient sur une seule catégorie au lieu d'en avoir 4. Un petit peu risqué, mais quand même. NBC avait demandé aux producteurs de créer une émission spéciale d'une heure parce que le réseau entendait qu'il allait avoir une émission spéciale sur Jack the Ripper, un de ses événements en direct diffusé à la télé. Il faisait ça souvent dans les années 90, qu'on allait révéler l'identité secrète de Jack the Ripper à la fin de l'émission. Bref, tu sais, il y avait tellement ça souvent et c'était jamais vraiment ce qu'on pensait. Ça finissait tout le temps mal. Bref. Finalement, ils ont créé cette émission spéciale de l'Halloween là qui a complètement détruit le spécial de Jack the Ripper. Donc tant mieux pour eux. Hein? Après ça, l'émission a quand même fait à l'occasion quelques épisodes sur un seul sujet. Ensuite, il y a plusieurs vedettes qui ont eu leur première chance dans Dossier Mystère. Ben oui. C'est vrai. Matthew McConaughey est apparu évidemment sans son chandail en tant que victime de meurtre dans un épisode de Dossier Mystère. C'est ça, on l'a trouvé comme ça. Puis après ça, il y a eu qui d'autre aussi? Le reste, on les connaît pas vraiment. Il y a Daniel Day-Kim de Lost, entre autres, qui a aussi participé à l'émission. Un des segments les plus populaires de l'émission était très difficile à filmer. C'était un segment qui s'appelait Mystery Hum, qui parlait du Taos Hum. C'était un son à faible fréquence qui a commencé à être entendu apparemment à Taos, au Nouveau-Mexique, en 1992. Ailleurs dans le monde, on l'appelle aussi le Bristol Hum, le Bundy Hum ou juste le Hum. Le réalisateur Bob Wise disait que le segment était particulièrement difficile à filmer parce qu'il n'y avait pas vraiment d'éléments visuels à donner au public. Ah, ben ouais. Et la faible fréquence du hum passait pas vraiment si bien à travers la télé. Donc, ils ont reçu beaucoup de commentaires là-dessus parce que les gens à travers le monde entendaient cette même chose-là. Donc, il y a comme un réseau de gens qui entendent ce hum-là, apparemment, dans certains pays. Et on a essayé de faire la même chose à la télé. Moins grand succès, quand même. L'émission avait utilisé une compagnie d'effets spéciaux qui s'appelle Area 51, comme la zone 51. La compagnie qui créait les effets spéciaux de l'émission, que ce soit des fantômes, des extraterrestres ou peu importe. Le segment Allagash Abduction mettant en vedette plusieurs effets spéciaux créés par Area 51. Si vous voulez aller voir les extraits, ils sont sur YouTube. Il y a des peintures, des dessins qui ont été utilisés comme base pour ça. Et on a fait des effets spéciaux par-dessus. Quand même. Ensuite, ils faisaient des fois les effets spéciaux à l'ancienne, si on veut. Dans les premières années, les effets spéciaux n'étaient pas super avancés. L'émission n'avait pas un énorme budget. Donc, quand on filmait des histoires de fantômes, ça pouvait être difficile de le faire sans effets spéciaux. Donc, l'équipe a dû trouver quelque chose de plus créatif. Par exemple, dans l'épisode Gordy's Ghosts, on a choisi de donner une apparence très, très blanche, mais comme pétante, là, avec beaucoup trop de lumière sur le fantôme. Beaucoup, beaucoup de lumière sur le visage de l'acteur. Mm-hmm. Et la petite fille qui jouait le fantôme était à peine capable de garder ses yeux ouverts. Pour une autre séquence, on a montré un fantôme couché à côté d'une petite fille sur le lit. L'équipe a enlevé le matelas et a demandé à l'acteur de se coucher directement sur le box du lit et a tiré sur je sais pas c'était sur quoi, en dessous, pour réussir à faire un effet spécial low-key là-dessus. Et d'autres épisodes ont été utilisés avec une caméra qui utilisait de la double exposition et de la projection. Ensuite, Robert Stack, l'animateur de Unsolved Mysteries, Dossier Mystère, et les producteurs étaient assez sceptiques des trucs paranormaux qu'on avait dans l'émission. Ça me surprend pas, c'est pas parce que t'as une émission qui parle de trucs comme ça que t'es obligé d'y croire. Ouais, non, c'est ça. Donc les producteurs étaient pas super convaincus, mais quand ils choisissaient une histoire de fantôme, ils essayaient de trouver une façon qui avait peut-être l'air au moins un petit peu historique pour essayer d'expliquer quelque chose qui pourrait avoir un certain sens. Les commentaires sur le DVD laissent sous-entendre qu'il y avait pas mal de côté sceptique là-dessus. C'est pas tout le monde qui a voulu avoir son mystère dans Dossier Mystère. Au début de la série, c'était difficile d'avoir des gens qui avaient des expériences surnaturelles à l'émission. Ils avaient peur non seulement de faire rire d'eux, hein, mais ouais. On les croit pas, hein, quand même. Difficile de demander aux gens d'accepter de faire des entrevues. Et, on leur disait à l'époque qu'il y avait une valeur thérapeutique à se faire interviewer pour ça, pour peut-être sortir le méchant, si on veut. Unsolved Mysteries a été diffusé sur 4 réseaux différents. J'ai dit tantôt que l'émission avait passé 10 saisons sur NBC, ensuite c'était sur CBS pendant 2 saisons, et plus tard sur Lifetime et Spike TV pour la nouvelle version. Cette télé-réalité-là qui a amené aussi quelques films à la télé, entre autres Victim of Love de Shannon Moore Story, qui a été diffusé en septembre 93, basé sur un segment de Dossier Mystère de novembre 87. Wow! Ensuite, il y a eu aussi une série dérivée qui s'appelait Final Appeal from the Files of Unsolved Mysteries. Selon le New York Times, c'était une série de télé-réalité basée donc sur la réalité et sur l'émission de télé Unsolved Mysteries qui examinait les vrais cas d'injustice potentielle comprenant ou incluant une personne qui avait été trouvée coupable mais qui, selon des observateurs impartiaux, pourrait être innocent. Et c'était encore une fois Robert Stack qui animait Final Appeal, qui a été diffusé à partir de septembre 92 et pas ben longtemps après. Hein? Il y a eu quelques résolutions de mystères quand même. Comme je disais tantôt, il y avait des segments de mise à jour à la fin de certains épisodes. Même la série, quand elle était de retour plus récemment, avait aussi quelques mises à jour de cas précédents. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez encore aider à résoudre des mystères. Mm-hmm. L'émission n'est pas présentement en production. Par contre, il y a des reprises en streaming, entre autres sur Amazon Prime Videos. Prime Video, en tout cas. En ce moment, et les gens capotent bien raide sur cette série-là. Il y a des segments, encore une fois, qui ont été mis à jour récemment dans les derniers mois. Vous pouvez soumettre des informations sur le site unsolved.com pour mener à peut-être résoudre un crime. Même si l'émission n'est pas en production en ce moment, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, étant donné le succès, entre autres, en streaming. C'est ce qu'on a dit sur un Reddit AMA, donc une session de questions-réponses avec les créateurs d'émission. On est présentement, selon eux, en train de contacter des réseaux pour essayer de ramener l'émission Dossier Mystère. Donc, on garde les yeux bien ouverts pour ça. Hein? Mm-hmm. Cool. Dans quelques minutes, Sébastien Gartin va être avec nous pour sa superbe chronique du bulletin Gartin. Mais pour l'instant, on s'écoute une chanson. Est-ce que j'ai quelque chose d'épeurant? J'ai pas vraiment d'épeurant là-dedans. Ah oui, oui, oui. Je me rappelle que oui, j'ai quelque chose d'épeurant. Ah oui? Il faut juste le regarder pour s'en rappeler. Ah, hein? Bon. C'est Death by Ungabunga. Voici Haunt Me. Ah, son là, je vais kiffer. I've read it on the road, ready. pour toi aujourd'hui. Assemblage d'outils pour toi aujourd'hui. À numéro. J'avais l'impression de l'avoir déjà entendu. C'est comme un classique instantané, ah ouais, je trouve. Hein? Non? Je sais pas. Bref, on continue avec la suite de son foutu palmarès dont on était en train de parler. Tonton parlait d'horreur et des mystères avec une petite liste sur dossiers mystères. On continue avec Stephen King, le roi de l'horreur, un des auteurs qui a le plus de succès, les plus prolifiques aussi. Ben oui. Il y a tout plein de raisons de célébrer Stephen King. C'est Stephen ou Stephen King? Stephen, toujours. Ouais. Les PH parce qu'il en anglais. Parce qu'il s'écrit PH. Ouais, mais il y en a juste un au monde entier qui dit Stephen? C'est le joueur de tel sport. Là. Le joueur dans le sport. Stephen Curry. Ah, c'est ça, ok, c'est oui. C'est le seul que j'ai entendu de ma vie que c'est PH, lui. Ah, ok. Parce que je pense que c'est pas... Il vient d'ailleurs, hein. Son nom, je pense. Parce qu'aux États-Unis, c'est toujours Stephen. OK. Stephen Harper, Stephen King. Bref, Stephen King et sa femme Tabatha, qui sont propriétaires d'une station de radio, étrangement. Ah, ben, Moses. Ouais. Stephen et Tabatha King, qui sont propriétaires de Zone Radio, une compagnie qui a 3 stations de radio dans le Maine. Une d'entre elles, WKIT, WKIT, est une station de rock classique qui utilise le slogan Stephen King's Rock Station. Mm-hmm. C'est viré dans maudit, ça. Ben oui, vraiment, hein? Stephen King est un grand fan des Red Sox. OK. Ouais, il a écrit une histoire d'ailleurs sur les Boston Red Sox, The Girl Who Loved Tom Gordon, qui était un ancien lanceur pour les Red Sox. Et il a aussi un caméo, donc une apparition spéciale dans le film avec Jimmy Fallon et Drew Barrymore, Fever Pitch. qui parle fan des Red Sox. Il joue son propre rôle et lance la première balle dans la partie. En 2004, King et Stuart Townend, qui est un autre romancier, auteur, ont raconté leur réaction à la saison qui a finalement ramené le titre des séries mondiales à Boston. Et ça s'appelle Faithful, Die Hard Boston Red Sox Fans Chronicle the Historic 2004 Season. OK. Il a été frappé par une voiture et ensuite il a acheté la voiture qui l'a frappé. Oh mon Dieu. Donc King a été frappé par une vanne, pas si loin de sa maison estivale dans le Maine en 1999. L'incident a laissé King avec problème au poumon, plusieurs fractures à la hanche et à la jambe. Et à la tête aussi. Après ça, King et son avocat ont acheté la vanne pour 1 500 $ US. Et King a annoncé « Oui, on a la vanne et je vais prendre un gros outil pour frapper dessus pour le défaire. » Un sledgehammer, comment t'appelles ça? Un marteau? Hein? Oui. Un gros marteau. Quand il était enfant, ça va pas bien pour Stephen King. Des fois, il a été frappé... Il a été frappé et tué par un train. Mon Dieu! Son ami a été frappé et tué par un train. Ouais. Donc, le cerveau de King, qui est capable de créer des histoires d'horreur très rapidement, mais il a aussi vu sa propre part d'horreur dans la vie. En plus de l'accident de voiture dont j'ai parlé tantôt, quand King était enfant, son ami a été frappé et tué par un train. D'ailleurs, il a utilisé ça comme histoire dans The Body, qui a été adapté en film. C'est devenu Stand By Me. C'est ça? Oui. Donc on pourrait penser que ça a formé, influencé l'écriture de King, mais l'auteur dit ne pas avoir de souvenir de cet événement. Il a écrit un musical avec John Mellencamp, celui qu'on appelle des fois John Cougar Mellencamp, ainsi que T-Bone Burnett, qui ont collaboré sur un musical, Ghost Brothers of Darkland County, qui a débuté en 2012. L'histoire est basée sur une maison que Mellencamp a achetée dans l'Indiana et puis qui venait avec une histoire de fantôme. Ben, rien de moins. C'est sûr. Donc, la légende dit que trois frères et sœurs qui jouaient dans les bois, un des frères s'est accidentellement fait tirer dessus. Le frère survivant et la sœur ont sauté dans une voiture pour aller chercher de l'aide et dans leur panique, ils ont quitté la route, foncé dans un arbre et ont été tués instantanément. C'est l'histoire de ces fantômes-là qui hantent maintenant la maison de Mellencamp. C'est dramatique en maudit, ça. Ben oui, hein? Il a joué dans un band, Stephen King, avec d'autres auteurs à succès. Ouais, King qui a joué de la rhythm guitar pour un band composé d'auteurs à succès qui s'appelait donc The Rock Bottom Remainders. Entre 1992 et 2012, le band a fait une tournée environ une fois par année. En plus de King, il y a aussi Amy Tan, Dave Barry, Mitch Albom, Barbara Kingsolver, Matt Groening, qu'on connaît des Simpsons, et Ridley Pearson, qui était certain des autres membres. Il est natif du Maine, notre ami Stephen, qui parle souvent du Maine dans ses livres. C'est vrai. Tout ça. Il aime donc le Pine Tree State. Hein, il est né là. Il a grandi là-bas. Il vit toujours là-bas, dans Bangor, au Maine. Castle Rock, Derry et Jerusalem's Lot, qui sont des villes fictives dont il a parlé dans ses livres, ne sont que des produits de son imagination, mais il pourrait vous dire exactement où ce serait si c'était de vraies villes. Oh! Il a des problèmes de drogue et d'alcool pendant les années 80. De grandes difficultés d'abus de drogue et d'alcool. Il y a un roman, Cujo, qui se rappelle à peine d'avoir écrit. Mon Dieu! Il dit pas ça avec fierté ou avec honte, là. C'est juste que, tu sais, il sent comme si c'était pas lui qui l'avait écrit. Ouais. Il dit, j'aime bien ce livre-là quand même. J'aimerais pouvoir me rappeler de l'avoir écrit, d'avoir pensé à quelque chose, de l'avoir mis sur le papier. Mais non. C'est sa famille et les membres de sa famille qui ont organisé une intervention et qui l'ont confronté avec ses articles, sa paraphernalia, comme on appelle ça, les outils qui lui servaient à prendre sa drogue. Ils avaient amené ça dans une poubelle. Et puis, c'est ce qui a ouvert les yeux à King, qui est allé chercher de l'aide, et il est sobre depuis. Il y a une rumeur qu'il a écrit un roman dérivé de Lost, série Lost. King était un grand fan de Lost. J'imagine les moments qui étaient bons, parce qu'il y a eu beaucoup de n'importe quoi dans cette série-là, apparemment. Mais bref, il a écrit dans une colonne dans Entertainment Weekly, The Pop of King, et son admiration était apparemment mutuelle. Les écrivains de Lost ont mentionné que King était une influence majeure sur leur écriture. Il y a eu beaucoup de spéculations qu'il était l'homme derrière Bad Twin, qui est un mystère dérivé de Lost, mais il a nié cette rumeur. Et au dernier, il s'entoure d'auteurs. Stephen n'est pas le seul auteur dans la famille King. Sa femme Tabitha King, dont on a parlé tantôt, a publié plusieurs romans. Joe, leur plus vieux fils, a suivi dans les pas de son père et est devenu un écrivain d'horreur de best-seller. Il écrit sous le nom de Joe Hill. Le plus jeune enfant, Owen, a une série, une collection en fait d'histoires courtes, donc de nouvelles. Mais en fait, je pense qu'il y a une différence entre les deux, le short stories et un novella qu'il a écrit avec son père, Sleeping Beauties. Ça va sortir dans les prochaines semaines. Owen est aussi marié à une auteure. Et puis sinon, Naomi, qui est la seule fille de King, est activiste gay et minister, religieux, non? Truc religieux, comment t'appelles ça? Ah oui, ok, je comprends. Minister, bref. Voilà pour Stephen King et les faits sur cet homme. C'est rare qu'on parle de gens précis, mais des fois, les gens sont intéressants puis méritent bien ça. Ben oui, tout à fait. Maintenant qu'on a fait ça, ça va être le moment d'accueillir Sébastien F. Gertin. C'est, oui, Corinne, qu'est-ce qu'ils ont nos micros à faire autant? Je sais vraiment pas. C'est déplaisant. Ok, je touche plus. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. C'est juste que c'est pas supposé faire ça. Ouais, ça l'a comme fait. C'est bizarre. C'était de l'horreur. Non, ouais, vraiment. C'était pour l'ambiance, c'est ça. Est-ce que t'es prêt? Oui. Sébastien F. Gertin, le voici avec son bulletin Gertin. Sébastien Gertin pour son bulletin Gertin hebdomadaire où on parle d'actualité, on essaie de décortiquer ça un petit peu. On approche de la fin de cette série de chroniques avec toi. Et c'est triste, mais tu t'es rasé pour la cause, t'es rendu ben clean, oui. Shaven, clean cut. Ouais, ça c'est une de mes plus grosses erreurs de vie, je pense. Petit garçon! Tabac, ouais. C'est qui se passe? C'est pas le fun, je frette à la face depuis une semaine. Frette à la face, il se fait écarter partout. Faut que tu te mettes un fleur. Jusqu'au nez. Ouais, c'est ça, tu sais, au printemps puis tout. Non, mais même en dedans, j'ai frette à la face. Mais pourquoi? C'est pas le fun. Pourquoi? Je sais pas comment. Les femmes partout dans le monde ont mon. Les femmes partout dans le monde ont ma plus grande admiration. Comment vous faites pour être nu de la face de même toute votre vie? Comme un petit bébé. Ils vont dire que c'est pas le fun. Mais on est rendu habitué avec les jambes. T'avais sûrement une raison pour ça. C'est juste parce que t'es rendu tout croche, puis un collègue à la job a coupé sa barbe cette semaine. Ça y faisait assez bien. Fait que je me suis dit, qu'elle m'a fait pareil, je suis dû. Là, je commence à avoir des poils incarnés partout. Ah ouais, puis hein. Ça fait une couple d'années que j'ai pas. Que j'ai la même barbe. Là, ouais. Fait que je fais juste la retailler. C'est quand même pour m'en repartir comme du monde, mais c'est bon de faire ça une fois de temps à autre. Ouais. Mon Dieu, que c'est pas le fun. Non, c'est ça. Surtout que j'ai pris du poids pas mal. C'est ça que je me suis rendu compte depuis la dernière fois. Ça cache, hein, la barbe. C'est ça, j'ai pas mal plus de bajoux qu'avant. C'est bon, ça. Bref. Hein. Bref, ça n'était pas le sujet de ma chronique. Absolument pas. J'imagine que t'as quelque chose d'un petit peu plus poilu que ça. C'est drôle parce que je m'en allais dire le sujet de ma chronique aujourd'hui, les utérus. Oh! Donc au contraire. Et ce n'est pas une blague. Pour vrai? Oh, ok. C'est que en fait, les utérus, en fait, ce qu'on veut faire avec. Ouais. J'exagère pour être punchy. C'est qu'en fait, dernièrement, en fait, la semaine dernière, il y a une nouvelle législation qui a été amenée à discussion à notre cher Parlement canadien. Ouais. Mm-hmm. Concernant l'usage l'usage, justement, c'est là, vous allez voir c'est pourquoi... L'usage des utérus. En fait, l'usage des femmes porteuses. Okay. Oui. C'est que, présentement, depuis 2004, c'est illégal de payer pour utiliser l'utérus de quelqu'un d'autre. OK. Donc, toi, je te paye pour que tu aies mon enfant. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Mère porteuse, c'est ça. C'est quelqu'un qui porte l'enfant de quelqu'un d'autre, soit par insémination artificielle, soit... ainsi de suite. Bref, c'est interdit de payer pour... Wow. C'est criminel, là. C'est okay. Vraiment... C'est, tu peux faire la prison pour ça. Oui, je savais pas. Wow. Donc, gardez-le pour dit. Ouais. Là, la semaine dernière, il y a un député qui s'appelle... Ça, je trouve ça très drôle. C'est House Father. Wow! Father, House Father. Père de maisonnée. Ouais. Père de famille. C'est très drôle. Très drôle. Qui a introduit... C'est un député pas très connu, en fait, d'un semi-poteau. On le connaît pas tellement. C'est pas un ministre. C'est pas... T'sais, on dit un député d'arrière-ban. Ouais. Ouais, c'est ça. Il passe inaperçu pour l'instant, mais peut-être que ça va... Ben là, ça vient de le rendre un peu plus connu, mettons, là. Donc, le dit député a intégré une législation pour dire, ben, en 2004, les mœurs étaient différentes. Ça fait quand même 15 ans de ça. C'est vrai. Une quinzaine d'années. Pas tout à fait 15 ans, mais 14 ans, mettons. Ouais. C'est quand même... T'as le temps d'avoir toute une carrière. Ouais, ouais, ouais. Toute une carrière. Complet. Hein? C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Quels autres événements ont eu lieu en 2004? Dis-moi. Mais c'est ça. Donc, ce qu'il disait, c'est ça, c'est que les mœurs, puis plusieurs choses ont changé, en fait, depuis 2004. Il disait, ben, c'est maintenant temps de remettre à jour cette loi-là. Puis là, c'est que je vais donner ces arguments au début, puis je vais le dire de prime abord, j'ai une genre d'opinion là-dessus, ouais. Mais c'est que j'ai une opinion généralement sur les questions de la traitement de fertilité et autres. Puis celle-là, sur ça a un lien avec ça, puis en même temps, ça influence mon opinion sur la question des mères porteuses. Mais en même temps, Non. Est-ce que je peux essayer de deviner ton opinion sur les mères porteuses? Que c'est pas le gouvernement qui devrait décider ces affaires-là. Non, non? C'est pas ça mon opinion. En gros, ben, mon point de vue, ça a toujours été... Je vais commencer par ça de bord, quand même, énoncé ma thèse en premier. Mon point de vue sur la fertilité en général, ça a toujours été, ça se résume à la ligne suivante, c'est un droit fondamental, c'est un intérêt profond des êtres humains d'avoir, mettons, d'élever des enfants. Ouais. Mm-hmm. C'est-à-dire de transmettre tes valeurs. Sauf que à cette heure, en Occident, à l'époque où on est rendu, où la sélection naturelle, c'est plus tellement quelque chose de biologique, ce droit-là, ce n'est pas de transmettre ton code génétique, c'est de transmettre tes valeurs et de transmettre tes petites névroses aussi. C'est ça qui est un droit fondamental et un intérêt fondamental. L'intérêt fondamental, il n'y a pas d'intérêt, c'est pas un droit que tes enfants aient tes yeux, tant qu'à moi. Bref, moi, je suis un fervent défenseur de l'adoption comme solution. Puis c'est bien simple, l'être humain actuellement sur Terre est en surpopulation. Mm-hmm. On est en train de scraper notre planète à cause de ça. Il y en a un paquet, il y en a des millions et peut-être même des... On pourrait peut-être se rendre aux milliards d'enfants sur Terre qui auraient besoin de se faire adopter par des riches occidentaux. Ça améliorerait la situation de tout le monde. Donc, ça, c'est mon point de vue généralement sur la... sur les questions de... Puis là, je dis ça, si vous avez un utérus et des testicules fonctionnels, puis que vous voulez les utiliser, libre à vous. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est s'ils fonctionnent pas, c'est pas un droit fondamental d'aller mettre ça dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est pour ça. Une question de ça, juste, c'est pas un droit fondamental. Pourquoi je parle de ça, en fait, c'est que je parle de la fécondation in vitro, entre autres. Ouais. Tu sais, le gouvernement devrait-tu payer pour ça? Mm-hmm. Moi, mon point de vue, c'est que non. Okay. T'sais, on parle de traitement de fertilité puis tout. Non, ça, c'est une bébelle du privé. Là. C'est pas un droit que tes enfants aient la moitié de ton code génétique. C'est un droit d'avoir des enfants, par contre. Bref, l'adoption. Fait que, comme je dis, ça a des implications dans le débat sur les mères porteuses. Mon point de vue que j'ai par rapport à ça, que j'y tiens assez. Mais en même temps, non. Puis je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui est le débat exactement? D'un côté, le député Housefather, lui, son plus grand point pour ramener ça, c'est qu'il dit « En 2004, les couples homosexuels n'étaient pas à la table quand on a fait ces lois-là. Mm-hmm. » Le mariage homosexuel, c'était quand même encore quelque chose de récent. Le droit autour de ça, c'était pas encore, puis on n'avait pas pensé à ça dans le temps. Il dit là, à cette heure, 15 ans plus tard, 14 ans plus tard, une carrière 15. Complète on en se rend pas jusqu'à 15 avec ça, on va 14 on regarde ça puis on se dit bon ok, les couples homosexuels c'est maintenant normal, particulièrement puis on s'entend le problème se pose surtout pour les hommes homosexuels. On se dit bon ok, pourquoi qu'eux autres pourraient pas avoir recours à des mères porteuses pour avoir des enfants là encore, pis c'est là que mon opinion sur généralement ça, ben un couple d'hommes homosexuels, moi la façon que je vois ça c'est que ils n'ont pas, pareil comme un couple hétérosexuel qui ont des problèmes reproductifs, que l'homme a un sperm count trop bas ou que la femme a un utérus trop il y a des conditions qui font que ça colle pas bien, ouais, pas mal. Bon, moi je les mets dans la même catégorie en fait. T'sais. Fait que pourquoi ils peuvent pas adopter? Moi c'est ça mon point de vue. Si vous voulez aller chercher autre chose, ben, t'sais, pis c'est là que je dis qu'en même temps ça rapporte pis non, parce que ça pose quand même le problème de. Ouais, mais mon point de vue c'est de dire que oui, c'est un luxe que tes enfants aient ton propre. tes caractères génétiques, mais si vraiment eux veulent se procurer ce luxe-là, qu'est-ce qui les en empêche? Puis c'est là que c'est touché comme question. C'est pour ça que, même si de prime abord, j'ai l'air d'être vraiment contre cette ligne argumentaire-là, a quand même une valeur. Il y a quand même une valeur-là. Généralement, l'argument de la liberté, la mère porteuse c'est un adulte et consentante à ce que à louer, on pourrait dire, l'usage de son utérus pendant 9 mois, pourquoi pas? Puis là, ben, c'est là qu'on va répondre à la question pourquoi pas? Pourquoi mettre une limite au consentement de quelqu'un? La raison facile, c'est que ça rouvre la porte. Puis là, c'est pas de la science-fiction. Là. C'est, je veux dire, c'est quelque chose qui se constate dans les endroits où ce que c'est légal et encadré, mettons, on va dire, l'usage de mère porteuse. C'est que c'est généralement les gens plus pauvres qui vont accepter de l'argent pour faire ça. Donc, autrement dit, ça peut en revenir à... Puis c'est pas 100% des cas, là. Un changement d'avis en cours de route, disons. Ça pourrait arriver. S'il y en a, à mon avis, en fait, s'il y a un cas de ça, c'est déjà un cas de trop. Oui. C'est-à-dire que des femmes qui sont poussées par des pressions économiques, c'est-à-dire que c'est un peu leur seul moyen de s'en sortir, de faire ça, c'est plus du vrai consentement. C'est plus leur liberté. Ils n'ont pas la liberté de le choisir vraiment parce que c'est des pressions économiques. Donc, c'est ça le problème, c'est que le fait de rendre ça légal, puis une des raisons de rendre ça illégal, en fait, c'était d'empêcher ces situations-là, qu'on marchandise le corps de la femme d'une autre manière encore, comme usine à bébé, ce coup-là. Ouais. Et il pourrait y avoir du crime là, derrière ben ça. Ben là, avoir c'est un, ça roule. Qui ça, engage ça permet, les filles à... Ben, pis c'est que ça serait un pimp légal, c'est ça l'affaire, ça serait complètement légal dans ce cas-là. Puis c'est qu'une des raisons, une des choses qu'on fait comme parallèle, ben c'est que c'est illégal de vendre un rein, c'est illégal de vendre du sang, c'est illégal de ci puis de ça. Il reste la prostitution, c'est ça? C'est illégal, ça aussi? La prostitution, c'est encore illégal. Ça paraît pas. Un des contre-arguments du député Housefather, je la trouve encore drôle, c'est juste un bel addon, ben mettons. Oui. D'ailleurs, ça se dit Housefather. Ah, c'est parfait. C'est comme le sénateur ou quelque chose, congressman républicain américain qui s'appelle Angus King. Il a l'air de genre de. Tu sais, il pourrait avoir un kiosque d'hamburgers ici. Bienvenue chez Angus King. T'sais. C'est tout le temps. Moi, ce que je disais, ça a l'air d'un boss dans un Metal Gear, genre, un truc comme ça. Là. C'est un jeu de Metal Gear solide. Mais. Tu sais, un nom cliché d'américain. Oui. Mais c'est ça. C'est une des choses, c'est une des différences d'ailleurs justement avec nos voisins du sud. Aux États-Unis, tu peux vendre des parties de ton corps. Ça se fait. Il y a plusieurs États où les gens dans la rue vendent leur propre sang pour se payer de la bouffe. On se dit, c'est un peu comme ici avec les consignes de canette. Tu sais pourquoi leur enlever ça? Oui, mais c'est quand même prédatoire, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est qu'à un moment donné, puis c'est un peu le point de vue de notre différence de légale dans le fond au Canada, c'est que le corps humain appartient, c'est même pas un objet qui appartient à quelqu'un, c'est juste, c'est un no man's land dans le sens que tu y touches pas. Ouais. Tu peux en faire le don, mais c'est non monnayable, c'est ça l'idée. Puis c'est basé sur ce principe-là qu'on ne peut pas être payé pour donner du sang. Tu donnes c'est du sang de sens quand même. Par bonté d'âme, par sens du devoir, générosité. mais tu ne vends pas ton sang, comme tu ne vends pas une partie de ton corps, tu ne vends pas un terrain, tu le donnes. Le don d'organes, on s'entend, t'es mort. C'est pas la vente d'organes. C'est ça. T'en profites pas, mais puis justement, une des raisons, c'est pour éviter que les gens vendent le corps de leur défunt, de leur membre de famille. Parce que oui, ça se verrait. C'est un grand débat des utilitaristes où ce qu'on en est venu à l'éthique utilitariste, c'est vraiment maximiser le bonheur ou l'absence de malheur, mettons, de l'humanité. C'est vraiment, on parle de calcul d'utilité, c'est vraiment on calcule, quel geste, ça c'est vraiment une théorie en éthique, quel geste va créer le plus de bonheur. Mais c'est sûr que si tu dis, OK, je prends cette personne malade et qui a peu de temps à vivre, ou encore, carrément, en fait, l'expérience de pensée, on peut la pousser à bout. On prend quelqu'un à botch dans la rue, on tue cette personne-là, on récupère tous ses organes puis on les donne à des gens qui ont besoin d'organes. Tu viens de créer plus de bonheur dans le monde que si t'avais pas tué cette personne-là. Mais t'as quand même tué un être humain qui avait rien demandé à personne. Oui. Fait que c'est ces débats-là à pousser à l'extrême, mais il faut pousser à l'extrême pour illustrer ce problème. C'est ça. À un moment donné, c'est ça de l'éthique parce qu'il faut comprendre ce qu'on est en train de normaliser. C'est ça l'idée. Donc, comme je disais, l'idée de ce débat-là, c'est que le corps humain n'est pas monnayable. Donc, de monnayer l'usage d'un utérus, même si on parle pas d'implanter l'utérus ailleurs, c'est quand même pas loin de la même chose. C'est comme du Airbnb de l'estomac. C'est ça. Mais c'est parce que mais je comprends quand même qu'il y ait un échange de services et argent, parce que quand t'es enceinte, je veux dire, t'as comme souffre. Ben surtout du côté des États-Unis là, le service de santé est pas gratuit. Mm-hmm. Ici, mm-hmm. le service de santé est gratuit, sauf que si par exemple on prend l'exemple des États-Unis, c'est monnayable parce que faut que tu payes tes rendez-vous chez le médecin quand t'es enceinte. Ouais. Ben ça, il y a une solution qui est bien simple en fait, c'est que c'est d'encadrer ce que t'as le droit de payer à la personne. Mm-hmm. C'est-à-dire hospital bills, ouais, c'est puis ça. Les frais reliés. T'as le droit de dédommager. Exactement. T'sais, si on prend l'exemple d'ici, je comprends qu'il n'y aurait pas nécessairement un côté service de santé à payer parce mm-hmm. que, bon, la plupart du temps... Ouais, mais il y a quand même des dépenses reliées. Mais c'est ça, exactement. C'est pareil, il y a du linge de maternité, il y a ça fait penser vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il y a un montant quand même qui est attribuable à quelqu'un que tu veux avoir comme mère porteuse. Ben, un peu comme un système de covoiturage, c'est Amigo Express, je crois. Tu n'as pas le droit de payer la personne pour le transport, mais il faut que tu lui payes son gaz. Donc, la personne est dédommagée. Dédommage pour le gaz. Donc, dans le fond, ça annule son coût pour son voyage, c'est mais il n'a pas fait d'argent sur ton exactement. Jour. C'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, moi, je pense que de ce côté-là est quand même raisonnable, tu sais, puis il est quand même pensable aussi. Je veux dire, tu veux avoir un enfant, mais malheureusement, t'as pas la possibilité d'avoir un enfant. Puis ton ami a dit, ben moi, je vais le faire. C'est un don que je vais te faire. Tu sais, à ce niveau-là, je pense que oui, le fait de pouvoir aller chercher un enfant, peu importe où, c'est quelque chose qui est envisageable. Par contre, si t'as l'option de l'avoir de quelqu'un que tu connais, souvent, c'est ça qui va aussi faire un changement chez une femme. C'est que, tu sais, exemple, une sœur ou une cousine, ou peu importe, va vouloir se porter volontaire pour que ça reste dans la famille elle-même. Tu sais, je vois pas nécessairement de problème à ce qu'il y ait une mère porteuse, mais de payer, je suis d'accord avec toi, c'est plus en question de dédommagement. C'est ça, faut pas que ça devienne une business. Exact. Exactement, mais ouais, non. T'sais, tu gères pas ton utérus comme une machine. Même là, c'est ça l'affaire, c'est que moi, ce que je me dis, le principal, ben comme je dis, il y a vraiment la question de principe de base de faut pas monnayer le corps humain. Mm-hmm. Ça, je pense que ça part... C'est pas quelque chose qu'on peut argumenter. Rendu là, c'est un principe un peu plus abstrait de pourquoi. Ouais. Mais c'est que notre corps humain, c'est quand même ce qu'on notre propre corps, c'est ce qu'on a de plus intime. Faut pas le voir comme une marchandise. J'aimerais quand même entendre le raisonnement de l'autre côté, voir comment est-ce que tu peux penser justifier ça. Ben, c'est que ce qu'ils disent, le principal argument, je l'ai dit tantôt, c'est l'argument simplement du consentement. Mm-hmm. C'est d'accord, pourquoi pas, justement, il y a rien. C'est moi, ce que je remets en question avec cet argument-là, ben c'est que à quel point c'est toujours du vrai consentement. Mm-hmm. Moi, je pense à justement un couple homosexuel que je connais, des connaissances qui ont justement eu recours à ça. La fameuse, ben c'était un peu un cas comme tu disais, la fameuse mère porteuse, si je me rappelle bien, c'était une de leurs amies proches. Mm-hmm. Puis il y a eu des dommages, il y a eu différentes choses, tu sais, mais je vous dis, c'est pas des amis très proches non plus, je suis pas au courant de des détails. C'est un ancien collègue de l'OGE, là, fait que on s'entend, là, ça date, là. Mais que tu sais que puis je sais que c'était pas là une histoire qu'ils sont allés en Indonésie. Ouais, non, exact. Tu sais, c'est pas une affaire comme ça, là. C'était vraiment, c'était une de leurs amies, puis c'est ça. C'est dans ce cas-là, mais c'est ça en même temps justement, je pense pas que ça a été. Puis là, je me dis, j'ai pas le détail, mais je pense pas que ça a été question de service. C'était pas quelqu'un qui avait besoin de ça, que c'était sa seule chance de sortir un peu du trouble. Et qu'en même temps, puis moi, j'en reviens un peu tout le temps à ça, c'est que de donner des tu sais, un peu comme justement, là, un des arguments pour ne pas enlever les consignes sur les bouteilles recyclables, c'est que ça permet à des gens en pauvreté d'avoir un petit revenu pour... Mais c'est parce que ça, en fait, le problème avec ça, là, on tombe dans un problème de société beaucoup plus large, mais c'est des mesures compensatoires pour dédouaner l'échec, ou même, je pourrais dire, même la trahison de notre société envers ces personnes-là, tu sais. Si ça ne devrait jamais être un argument, en fait, de dire « Ouais, mais ils en ont besoin pour survivre. » S'ils ont besoin de vendre une partie de leur corps pour survivre, c'est que la société a échoué puis il y a d'autres choses à faire avant de faire ça. C'est ça, c'est que ça revient au revenu minimum garanti. Ouais, serait une bonne solution, peu importe, ça, là, ramener les services sociaux, le filet social au niveau qui était dans les années... avant qu'on commence à se scraper dans les années 90, là, c'est toute une autre histoire, mais ça reste que... Je trouve pas que c'est un bon argument pour le long terme parce que c'est compensé pour des erreurs de société qu'on fait, là. Puis je veux dire, c'est des erreurs, là. Moi, je suis d'accord, mais je pense que ça va aussi être beaucoup porté sur tes principes personnels. Tu sais, je veux dire, si la fille qui décide de vendre son corps pour avoir un enfant ou devenir mère porteuse a elle-même été faite par une mère porteuse, probablement que ça change ta vision des faits. Ouais, c'est sûr. Puis, c'est que, puis tu touches à de quoi? Il y a une chose aussi que moi, je parle beaucoup de la notion de consentement puis de consentement forcé. Mais il y a une affaire bien simple aussi qui est un des, je pense, qui est un des arguments qui punche le plus, en fait, de ceux qui, pour qu'on puisse encadrer ça, pour que ça devienne un genre de business en même temps, c'est que c'est de rendre ça, de criminaliser ça, ben c'est encore une fois où ce qu'on contrôle le corps des femmes sans leur consentement. Fait que, mais en théorie, encore, elles sont consentantes. Ben c'est ça. C'est elles qui acceptent de gagner l'argent. C'est ça. Fait que, tu sais, de garder... Tu sais, c'est un des arguments de ceux qui sont pour qu'on change la loi pour permettre qu'on puisse être rémunéré pour ça. C'est de dire, ben, c'est que c'est encore dire aux femmes quoi faire avec elles. C'est un peu le même argument, en fait, que ceux qui sont pour la légalisation de la prostitution. C'est ce que j'allais apporter, oui, exactement. C'est, en fait, ça tombe pratiquement dans le même... Mettons, d'un point de vue là, vraiment là, théorique, là, ça tombe dans la même catégorie d'affaires. Ben pas oui, mal, parce sans... que tu vas ton corps. Juste que ça soit clair, je suis pas en train de dire que une femme qui veut être une mère porteuse, c'est une prostituée. C'est aucunement ça que je suis en train de dire. Mais ça reste que les deux situations, mettons, vraiment juste d'un point de vue moral, entre guillemets, c'est-à-dire... Et là, on parle de la récompense financière. Là. C'est ça. Oui, oui, oui, tout à fait. Ça reste très, très proche, les deux cas. Donc, beaucoup de conclusions qu'on va tirer pour un des cas vont fitter pour l'autre. Beaucoup d'arguments d'un vont marcher avec l'autre aussi. Oui. C'est pas le même cas, mais... Mais ça, c'est parce que moi, ce que je pense, c'est que même si on décide de criminaliser la chose ou de rendre la chose impossible, ça va se faire pareil. Oui, ouais, mais ça, là encore... Pas c'est pas un bon argument. Tu sais, je veux dire, il y a pas... T'irais-tu dénoncer ta voisine, toi, si elle devient mère porteuse pour un échange de 1 500$? Non, mais c'est parce qu'en criminalisant ça, moi, ça, à base, une des affaires, c'est pas la mère porteuse, c'est pas elle-même qu'on doit criminaliser, c'est les clients. Non, c'est ça, si mais... Si on a criminalisé quelque chose. Souvent, c'est que les mères porteuses, puis là, je prends vraiment un exemple large, parce que j'en connais pas, mais tu sais, si on regarde, par exemple, dans les émissions ou peu importe, elles iront pas le dire, c'est qui les a payés parce qu'elles veulent cet argent-là. Ouais. Tu sais, c'est une question de morale, c'est une question de valeur. Ça, je suis tout à fait d'accord. Puis en termes de société, oui, je pense que la société doit dire à un certain moment, ben, tu sais, on va criminaliser la chose, mais bonne chance pour réglementer la chose puis de faire une surveillance sur ça. Ça va être incroyablement difficile parce qu'il n'y a aucune mère porteuse qui va accepter de l'argent, qui va aller ensuite dire, ben oui, c'est eux qui m'ont payé. Parce que automatiquement, tu vas probablement garder l'enfant. Et tu vas probablement perdre de l'argent. Quand à la base, tu voulais cet argent-là. Peut-être, mais de l'autre côté, si qu'on parle de n'importe quelle autre loi, il y en a qui font par erreur ou par gaffe, ils vont le mentionner, ils vont faire une vidéo YouTube. Mais il vont... y a un. Ouais, ça, il y a toujours. Il y a toujours ça. Mais un cas aussi qui ressortait d'un place, parce qu'il y a des endroits dans le monde où c'est légal, puis ça se passe relativement bien, mais c'est qu'un des cas qui pose le plus problème, en fait, dans ces endroits-là, c'est que. Il y a des femmes qui simplement sont peut-être sont souvent, en fait, je crois que ça va être à leur première expérience, mais qui se rendent compte que après avoir passé 9 mois, ils ont fini par créer un attachement avec cet enfant-là et ne veulent plus le donner en adoption. Changement d'avis. Fait qu'il y a des places où ce que, ben, il y a comme une espèce de droit de veto, mettons, où ce que, en échange d'une. En tout cas. Finalement, la femme, ça décide qu'elle veut garder l'enfant, elle a le droit, puis ils peuvent pas l'empêcher, mais c'est sûr qu'il doit avoir compensation. Oui, je ça pense que t'as pas le choix de redonner l'argent, en fait, de en façon tout cas, légale. Ça dépend bien gros. Aux États-Unis, on peut pas dire aux États-Unis, parce que ça, c'est les États qui légifèrent là-dessus, c'est pas le fédéral. Exact. Fait qu'il y a 50 lois différentes là-dessus aux États-Unis. Mais une autre affaire ridicule, ça, c'est une des affaires que moi, je parle, il y a certains pays européens, je me rappelle sérieusement plus lesquels, là, mais il y a certains pays européens, c'est ça, là, qui sont quand même un peu des pionniers sur la question, puis qui ont vraiment comme encadré ça. C'est de ce que j'avais lu sur le sujet, c'était souvent ce qui posait le plus problème, en fait. C'était une fois que puis c'est que là encore, ça en revient à marchandiser plus le corps de la femme, mais un enfant, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Il appartient à qui, entre guillemets, ben, cet enfant-là? C'est qui ta mère, après? Dans le fond? Tu sais, ben, accouchée de ma mère, mais c'est aussi ma mère, c'est, ben, ben, c'est la sœur de ma mère qui a aussi inséminé c'est la... C'est comme une adoption. Ouais, c'est ça. Mm. Mais si, ben, comme dans les cas d'adoption, ça existe encore, ces trucs-là aux États-Unis, tu sais, des mères-filles, qui, tu sais, des adolescentes mm-hmm. qui tombent enceintes, qui veulent pas se faire avorter. Il y a toute ouais. une business des agences d'adoption aux États-Unis. Mais c'est quand même généralement, mm-hmm. parce que là encore, il y a 52 lois différentes, ouais, parce que, c'est ça, 52, 50 lois différentes aux États-Unis. Généralement, quand même, la jeune adolescente ou la mère qui la mère en prospect, mettons, a le droit de choquer à la dernière minute et de dire non, finalement, je vais l'élever moi-même. Oui, je suis d'accord. De dire, OK, oui, on a fait une partie des démarches, mais non, finalement, genre, ou a choisi souvent qui est-ce qu'elle a le droit de rencontrer les parents, les futurs parents qui mm-hmm. vont adopter, puis ainsi de suite, puis de dire non, moi, je veux pas qu'eux autres élèvent mon enfant. C'est de même. Mon enfant, ça. C'est ça. C'est plus vraiment ben, ton c'est enfant. C'est ça, tu sais. Ouais. C'est. Fait que. C'est cela. Et hey boy, mais hein, tu sais, moi, je pense qu'à un certain point, il faudrait aussi. Parce que c'est drôle, parce que ici ça a été discuté par un homme dès le départ. Puis souvent, c'est des choses qui sont discutées par les ouais. hommes dès le départ. Mais si on posait la question aux femmes qui le font, peut-être que la réponse viendrait beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement aussi. Tu sais, pour certaines femmes, là, c'est le seul moyen d'avoir un enfant. Puis en tant que femme, souvent, les femmes vont dire que d'avoir un enfant, c'est un projet de vie. Mm-hmm. Tu veux avoir des enfants. Puis de pouvoir les avoir rapidement sans nécessairement devoir aller adopter puis de passer 10 ans. Et c'est cher. Et c'est extrêmement cher. On s'entend, tu peux adopter ici au Québec aussi, sauf que tu as autant de chances de retomber sur la mère ou sur le père. Là. C'est la même affaire. Mm. Fait que, tu sais, d'avoir une mère porteuse puis de dédommager, comme on disait tout à l'heure, pour certaines femmes, c'est la seule solution à avoir un enfant. Je pense qu'il y a vraiment matière à pouvoir débattre longuement de tout ça. Puis je pense que le gros débat devrait être au niveau du dédommagement, justement, et non pas juste de marchandiser quelque chose. Parce que là, oui, on parle d'un enfant, on parle du corps de la femme, mais au départ, si on parle de l'exploitation du corps de la femme, c'est son choix. C'est son choix, puis... C'est peut-être même elle qui s'est portée volontaire pour sa mère, pour sa sœur, pour sa cousine. On parle d'un enfant, là. Je sais pas, tu sais, tout à l'heure, on disait ça rentre un peu dans le même style d'activité que la prostitution. Oui, je suis d'accord. À ce niveau-là, tu marchandes ton corps, sauf qu'il y a une certaine volonté qui est beaucoup plus grande, je pense, que celle qui est la prostitution à ce niveau-là. Parce que c'est un engagement de vraiment plus longtemps. Mais c'est le don de la vie. Tu sais, je veux dire, tu fais pas. C'est one band. Tu fais pas jouir personne. T'as pas un échange d'argent c'est contre le don ça. Du bonheur, ben, c'est ben, tu sais, peut-être qu'il pourrait y avoir une clause comme ça par rapport à ce qu'on peut faire par rapport aux femmes, aux mères porteuses, puis à celles qui ont recours aussi à ça. Parce que oui, on parle des femmes qui vont justement être mères porteuses, mais il y a aussi la femme là au côté qui demande à cette femme-là d'être mère porteuse ou qui a accepté que cette femme-là devienne mère porteuse pour elle. Je pense qu'il y a un gros côté qui est très, très moral puis qui est très, très par rapport aux valeurs personnelles et aux valeurs féminines aussi qui va rentrer dans ce débat-là. Mais je pense qu'il y a place à débat-là. Ça, c'est sûr et certain. Ça revient à est-ce que le gouvernement devrait réglementer ça? C'est encore exact. La question qu'on se pose. Ben, c'est sûr que si on décide d'aller du côté de oui, ça a le droit de devenir une business, c'est sûr qu'il va falloir que ça soit quelque chose d'extrêmement encadré et réglementé. Ben oui, c'est ça, parce exactement. Qu'il y a tellement de possibilités d'abus. De profiter du système. C'est ça, là. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, en fait, la plupart des oppositions que j'ai à ça, personnellement, parce que comme je dis, là, moi, la question dans ma tête est vraiment pas réglée. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que la plupart des contres que je vois, c'est des affaires qui ont une réglementation adéquate, réfléchie. Exact. Et comme tu dis, là, Tania, Un des problèmes avec... On est souvent, à cette heure, nos gouvernements sont portés à considérer les questions vraiment d'ordre social comme ça. Mm-hmm. Parce qu'à la base, c'est ça, c'est vraiment une question d'ordre social. Ils sont quand même beaucoup portés à les considérer comme des questions économiques. Hein? C'est l'ère du temps. Ben oui. Là, tout est une question économique. Faut qu'ils reviennent à traiter ça vraiment comme une question sociale. Puis même, moi, je me dis, ça serait peut-être un cas à référendum, en fait, carrément. Mm-hmm. Parce que ça change quand même un peu notre vision de comment est-ce qu'on conçoit le rapport entre justement le commercial et le corps qu'on habite dans ouais, le fond. Exactement. Fait, c'est quand même, moi je pense que c'est mais en même temps, référendum, vas-y, excuse. Moi je dis ça, c'est je pousse un peu là, mais ça reste que je pense que ça demanderait plus de consultations que 3-4 interventions à la Chambre des communes, mettons. Là. C'est ça que je veux dire. Oui, non, ça c'est sûr et certain. Puis malheureusement, les questions sociales, y compris quand ça a donné vraiment du bon, comme le mariage gay et des choses comme ça. C'est ce que j'allais apporter, ouais, vas-y. Dans les 20 dernières années, facilement, toutes les grandes avancées sociales, il y a eu beaucoup de militantisme de la société civile qui a fini par déboucher sur des prises de décisions au Parlement, autant au provincial qu'au fédéral, mais ça reste que le côté délibératoire, mettons, de la chose se perd un peu. Si ça avait été posé comme question, est-ce que ça aurait eu lieu, le mariage gay, si ça avait été posé à toute la population américaine qui serait allée voter? Je pense que oui. Tu penses? Ben là, aux États-Unis... Puis ça, une des affaires, les États-Unis... Aujourd'hui, peut-être, en 2004, je suis pas certaine. Les États-Unis puis le Canada, on est deux pays complètement différents. Là. Ouais. Des fois, faut quand même se rappeler de ça. Même les plus conservateurs canadiens sont quand même souvent plus progressistes que la plupart des progressistes américains, il faut se rappeler de ça. Tu sais, le mariage gay, c'est un super de bel exemple de ça. Le Canada, on est écrasante majorité présentement de la population se dit athée. Aux États-Unis, c'est pas ça pantoute. Les athées, c'est encore. C'est encore honteux de se dire athée aux États-Unis, là, à bien des places, puis même à la majorité des endroits, tu sais. La majorité ça, pas toujours ça change raison, quand même là, sur des affaires. Là. Ces questions sociales. Peu importe le gouvernement qu'on a, on est plus progressiste que les États-Unis. C'est de même. Ouais. Je dis pas qu'il n'y a pas de progressistes aux États-Unis, mais je parle de en général, la grande tendance, mettons. Là. Sur ces affaires-là, on est plus progressiste qu'aux États-Unis, bien souvent. Ce que je dis, c'est que c'est des belles occasions, en fait, de justement de rendre notre démocratie une petite coche plus participative, puis de dire, parce que c'est ça, c'est des questions sociales. Il n'y a pas de... C'est pas une réponse qu'on peut calculer l'efficacité de la réponse. C'est pas une question d'efficacité. C'est une question de valeur. Ouais, exact. C'est là que je trouve qu'il doit y avoir un débat qui est pas rien 3-4 députés qui se pitchent du chapeau ou je compte puis qu'on vote à la fin de la journée. Là. C'est pas comme ça que ça devrait se régler. Puis c'est sûr qu'avoir un débat public à l'ensemble du Canada, c'est touché. On s'entend. Le Canada, c'est un gros morceau là, comme pays, là. Ne serait-ce de différence de distance géographique, mais quand même une centaine de millions d'habitants. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas comme un décider de où est-ce qu'on met la piste cyclable dans un quartier, là. Mais ça reste qu'il devrait y avoir un certain... Ouais. Les lois sont au niveau national au Canada, donc ce serait partout pour tout le monde pareil. Les lois fédérales ont préséance sur les lois provinciales, les lois provinciales ont préséance sur les lois municipales, ainsi de suite. Ouais. Oui, là encore, on a un ordre de grandeur qui est... Tu sais, aux États-Unis, le fédéral est comme le 51e État jusqu'à un certain point. Ouais. Il gère pas les mêmes choses que les autres États, sauf dans certains cas. Au Canada, c'est comme des poupées russes. Un est dans l'autre. Fait que... Complexe comme toujours. Un autre sujet... Tu peux pas faire une loi provinciale qui va contre une loi fédérale. Non, c'est ça. Ouais. Sauf au Québec. Nous autres, on a des droits un petit peu. Ouais, on a le droit. On est des droits différents vu qu'on a... c'est qu'on a des... À base, on a on a un système de justice différent. Fait que c'est une manière d'accommoder le fait qu'on a certaines valeurs sociales encore un peu différentes du reste du Canada, puis qu'on a, notre droit est différent du droit canadien au civil. Là. Il est complètement différent. Bref. Merci Sébastien Gartin. Un sujet lourd qui va provoquer la discussion, j'en suis certain. Ah, il nous reste encore quelques chroniques au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Par contre, grosse primeur, il reste une seule sortie de secours. C'est demain. Puis c'est fini après. Aïe, c'est dommage ça. Genre, c'est vraiment la grande dernière. Finale de saison, finale de série avec. Finale de série, oui, parce qu'on a, en fait, d'un affaire à un autre, moi je déménage. Lucas va être trop occupé pour le restant de l'année. Fait que Du temps qui va être encore dans le coin. Qui va mourir? Écoutez, la finale de la série, c'est jeudi soir à 18h. Sébastien F. Gartin, merci encore. Donc, il dit qu'il reste deux semaines. On va voir. Deux semaines, on peut rien. On écoute une pièce en lien avec ce qu'on vient de dire, je pense. Voici Mon chéri, nouvelle entrée de Marat Tremblay. Dans la sondage rue. aujourd'hui. Assemblage anti-toi aujourd'hui. Drug Train et Donnant Donnant. Bon choix, Tania. Merci, merci. Très bon choix. Maintenant, c'est le bloc des palmarès, c'est fou. C'est le moment de rendre visite à nos très, très, très négligés palmarès. C'est fou, tellement négligé qu'en ce moment, c'est un palmarès sur deux semaines. Eh ben ouais. Donc, on n'a pas vraiment de nouvelles chroniques à vous présenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire du C'était fou. Oh! Hein? Donc, on va retourner en arrière une dernière fois pour entendre des pièces qui proviennent d'une semaine spécifique dans l'histoire. Et pourquoi la dernière fois? Parce qu'on est rendu en 2017, oh! Colin. C'est proche, c'est proche. C'est tout près, c'est tout près. C'était fou. Voici, on recule à la rétrospective des palmarès de 2017. We'll be right back. Saboteur Blues. Saboteur Blues. C'était le bloc C'était fou avec la rétrospective des palmarès C'est fou 89,1 FM 2017. À numéro 1 francophone, c'était Octoplot avec Héros ou Ennemi sur l'album Le Démon Normal qui était numéro 1 du 16 au 22 octobre. Et puis en numéro 1 anglophone, Gogol Bordello avec Saboteur Blues qu'on vient d'entendre avec l'album Seekers and Finders qui était numéro 1 pendant deux semaines du 9 au 22 octobre. Et c'était bien sûr le dernier bloc C'était fou parce qu'on est rendu en 2017, on a fait notre job. On prend une pause au retour. Ce sera ton tour, Tania. Oui. De quoi tu nous parles en Tania's Gonna Entertain You? Les doigts. Les doigts. Ok, oui, le grand mystère des doigts. Que se passe-t-il avec ça? Quoi faire avec? Pourquoi on Et vous allez voir. On verra. C'est ça. Aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 11 avril 2018 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans une demi-heure environ, Frédéric Simon va être avec nous pour la chronique Dans les coulisses de la huître. Oui. Ça, c'est tout à l'heure. Mais avant ça, c'est le moment de parler avec Tania, ou en tout cas de l'écouter parler dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do it. T'arrives pas à me dire qu'on parle de doigts aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça particulier comme sujet, ouais. Mais ça m'intrigue. Ok, je te donne un indice et là je vais vraiment essayer, ok? Oh, craquement de doigts. Pourquoi est-ce qu'on craque des doigts? C'est ça? Aïe! Oui! Hey, t'es ça tout. On parle du craquement de doigts ce matin. Est-ce que t'as retenu ton craquement de doigts depuis comme tu t'es levé ce matin? T'as fait, ok, faut pas que je craque mes doigts pour pouvoir les craquer en ondes? Ça fait maintenant 4 fois depuis ce matin que je me craque les doigts. Ouais, ah, on parle de craquement de doigts. On le sait, c'est pas nécessairement bon de faire ça là, pour les jointures et tout ça. Mais pourquoi est-ce que le craquement de doigts, ça existe? Bien, sachez que c'est une hypothèse qui est loin d'être nouvelle. Par contre, ça tient dans des petites bulles. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, le craquement de doigts, là, que ce soit votre voisin au bureau là, qui se craque tout le temps les doigts, je suis désolée Mathieu, ou que vous ayez vous-même cette fâcheuse habitude, on oui, fait bonjour. Tous les deux, bien, vous vous demandez sûrement d'où ça ça vient, cette espèce de petit bruit-là qui est si caractéristique à un craquement de doigts, parce qu'on s'entend... Les pieds aussi. Oui, les pieds aussi, oui, ça arrive aussi, le cou... Le dos. Bien, il y a des scientifiques qui pensent avoir trouvé la réponse, en fait, parce qu'il y a une étude qui a été publiée jeudi dernier dans la revue Scientific Reports qui parle du fameux craquement de doigts qui vient de l'éclatement de bulles microscopiques dans le fameux liquide des articulations du doigt. Mm. Ou des doigts, là, bien évidemment, tout dépendant de lequel... combien vous n'avez, c'est ça. C'est ça, exactement, et selon lesquels vous faites craquer. Mais il y a des chercheurs de l'École Polytechnique près de Paris, et non pas celle de Montréal, et de l'Université américaine de Stanford, qui sont parvenus justement à une conclusion, qui ont utilisé un modèle mathématique pour y arriver. Donc, c'est une hypothèse, comme je le disais, qui est loin d'être nouvelle, parce qu'en fait, elle a été formulée pour la première fois au début des années 70. Par contre, par la suite, elle a été mise en doute par plusieurs études qui ont montré que même après un craquement de doigts, il restait des bulles dans le fameux liquide. Donc, on ne servait pas nécessairement trop de ces résultats d'études-là pour justement baser nos faits sur qu'est-ce qu'était le craquement de doigts. La nouvelle de cette étude, en fait, c'est de pouvoir montrer que l'éclatement d'une seule de ces petites bulles-là est suffisante pour produire le fameux bruit qu'on entend. Une petite bulle. Exactement. Donc, il y a un des chercheurs à l'Université Polytechnique de Paris qui est Abdul Parakat, qui s'est vraiment basé sur les mathématiques pour pouvoir calculer le nombre de petites bulles qu'on avait dans ce fameux liquide des articulations où se trouvent pas mal toutes nos articulations, il faut le dire. Donc, en 2015, il y avait une étude qui avait été avancée que, justement, le bruit venait de la formation de bulles plutôt que de leur éclatement. Mais eux, ils voulaient en fait se pencher sur la question du point de vue mathématique parce que les précédents travaux qui avaient déjà été faits, qui avaient été démentis aussi, étaient basés sur simplement l'observation. Et là, avec une formule mathématique et en vue d'analyser les formules mathématiques à l'intérieur de ce fameux liquide-là et de la formation des bulles, eh bien, ils ont essayé de bâtir un modèle mathématique pour décrire le phénomène qui est physique, mais pendant qu'il est à l'œuvre. Donc, le modèle, c'est bien évidemment l'éclatement des petites bulles qui produit le fameux son, mais il y a de quoi susciter quand même de nouvelles passions, parce qu'après la rédaction de cette étude-là, il y a certaines personnes qui ont même essayé et qui font craquer leurs doigts. Ça s'adonne à une pratique parce que, bon, il y a certaines personnes, en fait, qui ne se craquent pas les doigts. Ouais, je comprends pas. Je ne comprends pas, moi, les doigts craquent de façon totalement naturelle. J'avais lu à un moment donné, je sais pas si tu vas en parler, mais il y avait un gars qui avait pas craqué une de ses deux mains pendant genre 60 ans, puis l'autre, il l'avait craqué pendant ces 60 ans-là. Je dis, comment tu peux te retenir? Si tu fais craquer une main, tu fais craquer l'autre main. Ben, exactement. En tout cas, hein, c'est un grand mystère de la vie et il y a une pratique dont la médecine a montré quand même qu'elle provoque pas d'arthrite, contrairement à une croyance populaire qui est répandue. Par contre, moi, ce que j'ai pu remarquer de façon complètement là, personnelle, sans nécessairement me baser sur des études incroyables, plus vous allez vous faire craquer les doigts, plus vos articulations vont grossir. Oui, j'ai entendu ça, et crochir. Crochir? Oui. Arrête donc. T'as pas cette vision-là? C'est peut-être pas à cause de ça. Ben peut-être, écoute, peut-être que je vais faire parce que mes doigts sont... du dérivement à un certain moment, mais bon, on peut faire craquer toutes ces articulations, que ce soit du petit doigt au cou, aux chevilles, en pliant ou en tordant légèrement la partie qui est concernée. Donc, si vous voulez vous faire craquer le dos, bien évidemment, on va twister plaisant, ou aller tout simplement voir un chiro ou une chiro, elle va se faire un plaisir de vous faire craquer. Donc, faire craquer ces articulations et en particulier ces doigts, ça constitue pour certaines personnes un pur plaisir. Tellement. Ça, puis le café, là. Le matin. Exactement. Ça, un Q-tips, puis un café, that's it. Tania, tu vas te défoncer le tympan. Ben là, hein, en tout cas. Donc, les articulations, comme on vient de le dire, c'est le lieu de jonction, en fait, entre deux os, et c'est composé de cavités, comme justement, on parlait des petites bulles, et les petites bulles se trouvent à l'intérieur d'un fluide qui est appelé le liquide synovial. C'est ce fameux petit liquide-là qui est quand même assez visqueux, qui a pour but de limiter, en fait, les frictions au niveau des articulations. Donc, si vous regardez votre doigt, vous avez un bout d'os, vous avez un autre bout d'os, vous avez l'articulation, puis dans tout ça, il y a lubrifiant. Du lubrifiant. Justement, pour pas que ça s'effrite. Ouais. Pour pas que ça fasse mal aussi. Donc, ce sont des petites bulles qui explosent quand on fait craquer nos articulations, ce qui entraîne le fameux bruit qui est quand même assez caractéristique. Et il faut attendre environ 20 minutes avant que les bulles se reforment et avant, mesdames, messieurs, de pouvoir refaire craquer la même articulation. Est-ce que c'est comme les est-ce que c'est comme le sexe? Les filles ont pas à attendre, les gars faut qu'ils attendent. C'est ça, exactement. Pour les bus, non, pas tout en fait. C'est vraiment quelque chose parce que si vous faites craquer vos doigts tout le temps et que vous attendez pas nécessairement 20 minutes, bien la reformulation de ces bulles-là va être de plus en plus longue à se reproduire et c'est là qu'on peut avoir certains problèmes d'articulation. Okay. Parce que ces bulles-là, en fait, c'est un petit peu l'air qui va se promener à l'intérieur du fluide qui va faire en sorte que l'articulation va bien se produire. Si on se fait tout le temps craquer le doigt et qu'on pète vieux québécois, qu'on pète ces bulles-là, qu'on pète ces fameuses bulles-là, bien, ça fait en sorte que notre articulation va se faire beaucoup moins facilement. Et si vous observez, après vous être fait craquer les doigts, souvent, on va avoir une sensation de, justement, peut-être un petit peu plus de difficulté à bouger c'est nos vrai? Doigts. Bien, c'est justement à cause qu'on vient de faire sauter ces petites bulles-là. Donc, c'est important quand même d'attendre un bon 20 minutes avant de faire recraquer ses doigts. C'est plus le fun quand t'attends parce que le craquement est pas mal plus... Mais si vous avez entendu tout à l'heure, j'ai été possible de craquer deux fois back à back. Wow! Mais t'es une fille! Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs études en fait qui semblent montrer que faire craquer régulièrement ses articulations, ça n'entraîne pas de risque d'arthrite ou de toute autre pathologie articulaire. Moi, je vous ai parlé du fait là, que mes articulations sont vraiment plus larges. C'est vrai. Je le sens parce que j'ai... Vu que je m'étais toujours fait dire « Fais-toi pas craquer les doigts, tu vas faire de l'arthrite! » Bien, j'observais tout ça. Et elles sont beaucoup plus rondes et beaucoup plus prononcées qu'avant. T'es aimes moins comme ça? Bien, c'est peut-être parce que je les fais trop craquer. Ouais. Mais par contre... C'est un petit prix à payer, on va se dire. Exactement. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'au risque de se faire craquer les doigts beaucoup plus souvent, on va manquer de puissance et ça va être difficile de prononcer vraiment les doigts sur une certaine fonctionnalité. Donc, il faut faire attention à ce petit problème-là. Vous pouvez vous les faire craquer une fois par jour, mais de là à se les faire craquer 5 à 10 fois par jour, c'est là qu'il faut quand même se régulariser. Donc, sûrement que les musiciens qui servent beaucoup de leurs doigts, peut-être, ou les programmeurs ont peut-être moins tendance à se faire craquer les doigts pour avoir moins mal quand tu joues. Tout à fait, exactement. Il faut comprendre aussi que le craquement de doigts, c'est quelque chose qui est quand même assez jouissif. Là, ben oui. Hein? On s'entend se faire craquer les doigts. En tout cas, moi, ça fait partie de mon bonheur personnel. Ça ne nous prend pas grand-chose dans la vie pour être heureux. Hein? Ben non, c'est vrai. Ça mais tombe écoute... bien, on n'a pas grand-chose. Ouais, vu comme ça, hein? C'est vrai. Mais bon, on le disait tout à l'heure, c'est possible de faire craquer plusieurs parties de notre corps. Sachez que c'est possible de vous faire craquer les oreilles. Parce qu'il y a une articulation apparemment dans l'oreille. En fait, il existe un muscle derrière le tympan qui est le tenseur de l'étrier. Mais on ne peut pas contracter volontairement ce fameux muscle-là qui fonctionne de façon quand même assez réflexive en fonction de l'intensité sonore à laquelle notre oreille est soumise. Ah, ouais. Donc, il y a d'autres muscles qui sont capables de faire bouger le pavillon de l'oreille, comme par exemple les animaux. Et il y a certaines personnes qui arrivent à commander ces muscles-là. Donc, c'est possible pour certaines personnes d'avoir des mouvements du pavillon qui vont se communiquer au conduit auditif et de là au tympan et à la chaîne des osselets. Wow! Ben, ça ressemble à ceux qui se font aller les pectoraux, là, t'sais. Ouais, c'est un peu la même... ça, c'est pas tout le monde qui c'est un peu la même chose. Donc, il faudrait admettre, en fait, que les mouvements qui sont provoqués par des frottements que vous entendez sous forme de craquement, bien, c'est des frottements. C'est pas nécessairement un craquement comme il y a une bulle au sein de nos articulations, dans nos doigts, dans nos genoux, dans nos orteils ou dans notre cou. C'est vraiment les petits ossements, les petits frottements là, des ossements qui vont faire en sorte que vous allez avoir l'impression d'entendre des craquements. Il y a des examens qui peuvent être quand même assez intéressants. Si ça devient quand même un petit peu trop fréquent, sachez-le, parce que bon, c'est sûr que ça peut quand même amener à un certain problème d'audition, que vos osselets se frottent constamment. Donc, pour certaines personnes, ça peut être quand même assez désagréable. Et là, pour certaines personnes, lorsque vous allez contracter les muscles qui sont situés dans les oreilles, bien, vous allez entendre justement des petits pops à l'intérieur de vos oreilles ou des claquements. Ouais. On ne sait pas trop comment les définir encore. Et c'est pas douloureux, sachez-le, vous n'allez pas avoir mal si jamais ça vous arrive, mais il faut savoir que c'est peut-être qu'il y a un petit problème mécanique là, à l'intérieur. Vous pouvez tout simplement aller voir un ORL. On va vous observer les tympans, en fait. Vous allez passer certains petits tests, mais il n'y a rien de particulier à ça. C'est tout simplement qu'il faut faire attention parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est un frottement d'osselet. Donc, si ça se passe de plus en plus, bien, vous allez peut-être avoir certaines problématiques là, plus vieux. Vous allez peut-être avoir besoin de d'appareil auditif un petit peu plus rapidement, mais ça devrait pas être une grande problématique si vous êtes tout jeune. Si vous êtes dans la quarantaine, cinquantaine, bien allez voir un ORL beaucoup plus rapidement parce que votre oui va déjà être à la base un petit peu plus fragile que celle de quelqu'un qui est dans la vingtaine ou dans la trentaine. Vous allez déjà peut-être avoir des petites tendances à mal entendre. Donc, à ce niveau-là, si vous voulez vraiment voir une différence, bien tout simplement aller voir un ORL. Il va se faire un plaisir de vous observer lui aussi. Ouais. Tout comme un chiro pour un chiro, exactement. L'idée, en fait, de se faire craquer les doigts ou n'importe quelle autre partie du corps, là, on dit souvent là, que ça va provoquer de l'arthrite ou de l'arthrose. C'est répandu. Il y a plusieurs scientifiques, comme on le dit, qui ont effectué des études à ce sujet-là. On a consacré quand même plus d'un demi-siècle de recherche sur le fait qu'on voulait savoir si, justement, il allait avoir certaines répercussions à tout ça. Donc, sur ses mains, il y a un médecin californien qui a effectué des propres observations pendant une cinquantaine d'années. Il a fait craquer deux fois par jour sa main gauche sans le faire avec la droite. Ouais. C'est fou, ça. On s'entend, là, hein? Je pensais 60 ans, mais 50 ans, c'est ça. Non, 50 ans. Donc, il y a près de 30 000 craquements plus tard. Il en est arrivé à conclure qu'il n'y avait aucune différence entre ses deux mains. Ah. Et pour l'anecdote, bien, ses recherches lui ont permis, en fait, de recevoir un prix IG Nobel de médecine en 2009, un prix qui récompense des recherches improbables, mais qui amène par la suite à réfléchir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de risque de développer de l'arthrose selon les études qui sont quand même assez récentes. Il y a des travaux qui ont été effectués sur près de 200 personnes âgées de 50 à 89 ans qui se faisaient craquer régulièrement les doigts et qui viennent corroborer justement sur les recherches de ce fameux médecin-là qui a passé 50 ans à le faire. Il n'a pas parlé de ses jointures, lui, si ça grossissait. Hein? Écoute, hein, je sais pas, mais si vous cherchez à arrêter de vous faire craquer les doigts. Vous trouvez ça peut-être pas super cute? Ben, c'est pas cute. C'est ça, tu sais, hein, tu te lèves le matin, tu te fais craquer les doigts, pas sûr que ton copain ou ta copine dans le lit trouve ça super cute. Mais il s'agit en fait d'un trouble du comportement qui est tout à fait bénin et tout à fait courant, sachez-le. Ça permet bien souvent de détendre une personne qui ressent de la nervosité. Donc, c'est une habitude qui peut s'avérer quand même assez gênante, en particulier pour l'entourage, et certains souhaitent s'en débarrasser, comme je le disais. Donc, pour pallier à ce qu'on appelle ce fameux tic-là de se faire craquer les doigts, il est nécessaire de trouver un autre geste à effectuer et qui va venir compenser le craquement de vos doigts. Le geste le plus courant consiste en fait à utiliser un élastique ou à faire jouer ses doigts avec quelque chose. Pour ne plus avoir ce fameux petit tic-là qui est de se craquer les doigts. Mais excuse-moi, là, si tu veux arrêter de te faire ça avec les doigts puis que tu commences à cliquer ton stylo, mettons, mon Dieu, je vais te frapper, je pense. Non, je vais pas faire ça, Mathieu, ne t'inquiète pas. Ça m'énerve. Ouais. Voilà. Hey, Colin, j'aurais jamais pensé que t'allais nous parler de ça un jour. Je suis tombée là-dessus en faisant certaines recherches, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je me fais tout le temps craquer les doigts. Je veux savoir qu'est-ce que tu cherchais. Ben, les recherches pour l'émission. Ouais, non? Mais comment t'es tombée sur ça? Je lisais le journal. OK, bon. Puis c'était dans bien-être. Je suis curieux, hein? Mais il faut comprendre que nos recherches sont faites par nous-mêmes, cette belle petite émission de radio. Alors, on passe beaucoup de temps à lire beaucoup d'articles qui sont vraiment loufoques par moment et qui viennent de toutes sortes de sources différentes. Mm-hmm. Mais cet article-là, l'article qui m'a lancé sur cette recherche venait du Huffington Post Québec. Donc, quelque chose de quand même assez... grand public. Ouais, grand public. Et c'était dans la section bien-être, si jamais ça vous intéresse. On est tout le temps en train de lire. Que ce soit pour l'émission ou pas. Hein? Ouais, pour notre connaissance personnelle. Tout à fait. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania Esgalan-Chutinia, tous les matins à Assemblage requis. On a parlé de doigts. On a parlé de ce que les articulations peuvent faire. Mais si tu veux, tu peux craquer tes doigts en comptant. En comptant jusqu'à 5. Et en écoutant un Rye avec Count to 5. You're all out of place, my babe. It's written on your face. Bring your songs to me. I'm not afraid to hear them. Bring your songs to me. Kept waiting.

surprise, ça. Lowest of the Low avec Powerlines. Nouvelle entrée du palmarès anglophone. Et avant, c'était Rye avec Count to Five. Mm-hmm. On prend une pause au retour. Frédéric Simon va être avec nous. Ooh. Invité spécial pour Dans les coulisses de la Luître. Restez là. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Accroche-toi! L'assemblage requis. Oui. Faut s'accrocher, il y a juste 10 émissions. Ben oui, pas le choix. Hein? Maintenant, c'est Frédéric Simon qu'on accueille avec Dans les coulisses de la Luître. T'es là pour remplacer Gabriel Béhoud encore. Ben oui. Toujours, c'est rendu qu'il était plus présent que lui quasiment. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les deux sont aussi peu présents, en fait, parce que c'est ça qui est ça. Bref, Frédéric Simon, qu'on connaît pour son talent d'improvisateur depuis de nombreuses années. Ah, t'es fin. Ah, ben oui, mais tu sais, la lutte, la lutte. C'est vrai. Oui, oui. Oui, oui. Ben, tu sais, si on arrondit, là, mettons. Déjà que, tu sais, l'année passée, j'ai été choisi comme co-animateur. C'est ça. C'est comme ça que j'apprends. Oui, oui, mais t'as improvisé pendant que tu co-animais? Oui, j'ai improvisé ailleurs. Moi, je me considère comme un improvisateur. Animateur. Ouais. Même au poste à la scène, maintenant. Les boys. Les boys. Bref, Frédéric Simon, qui est là pour parler du match de lundi soir passé, qui était la deuxième demi-finale. Qui mettait aux prises mon équipe, les Verts, ou Orange. Ben ouais. L'équipe des Verts, qui est l'équipe, évidemment, capitanalisée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par capitainée par. Ah, par Français du Grill en Français du Grill en Pont. Ah, ouais, ouais. Oui. Capitaine Lilian, c'était pas un mot. Hein. l'équipe des Oranges, qui est l'équipe d'Alexandrine Pichessé. Exactement. Voilà. Donc, l'hiver qui était premier au classement général au terme de la saison. Donc, les Oranges étaient par conséquent dernier au classement bon général. Bon dernier. Mais bon, ça n'empêche pas de donner de bons affrontements. Non, ils vont rester derniers. mais quand même, ils ont bien joué ce match-là. Hein? Oui. J'ai pas du tout volé le punch de qui a gagné ce match-là. mais c'est assez clair que les Verts allaient gagner ce match-là, non? Ben, c'est clair. C'est jamais fait tant non. que c'est pas fini, de toute façon. Non, mais plus le match avançait, plus c'était genre point vert. Mais à un moment donné, ça s'est reviré de bord. Ça s'est reviré de bord de façon assez drastique. En deuxième demi, je te dirais que c'est plus point orange avec... parsemé de points verts. On dirait que quand tu vois la défaite s'en venir, tu travailles plus fort, peut-être, de leur côté? Peut-être. Peut-être que les Verts ont aussi une baisse de régime en deuxième moitié. Vu qu'ils ont pris ça pour acquis, c'est ça? Pas nécessairement qu'on a pris ça pour acquis. On a essayé des choses. Ça a plus ou moins marché à certaines occasions. Comme quoi? En fait, c'est surtout l'efficacité de nos caucus qui était moins bon en deuxième demi. Oh non. On dirait que... L'alcool, non. si seulement c'était ça. Si seulement. Mais non, je sais pas, là. C'est peut-être une petite panne, là, une base d'énergie. Ouais, ben vous prendrez à la finale, hein? Ben c'est ça. C'est ce que ça veut dire. qu'est-ce qui t'a marqué dans le match de lundi soir? Il y a eu beaucoup d'impro qui ont été parfois décousues. Mmh. Mais quand même, on a eu beaucoup de plaisir. Les Verts, on a commencé avec une impro... Les thèmes étaient peut-être un peu difficiles. On a eu ça comme écho des deux équipes. C'est vrai. C'était des thèmes qui étaient en lien avec le printemps. Oui. Donc Vincent Rainville, qui arbitrait le match, a sorti des fun facts, qui étaient plus factuels que fun par moment, mais quand même, c'était. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mm-hmm. Des faits sur le printemps, et ça a mené vers des petites phrases cute qui servaient de thématique pour les improvisations. On a commencé, c'est ça, donc du côté des Verts, la thématique c'était d'où Jésus. Donc on a représenté la scène où Jésus était crucifié avec Barabbas et un certain Éric. Éric, qui est revenu quelques fois dans le match quand même. Je sais pas si c'était le même Éric, mais... Ah, je sais pas. Le Éric crucifié qui est revenu comme embaumeur un peu plus c'est tard. C'est ça, c'était toi. C'était moi. Éric deux fois. On se demandait s'il allait pas avoir un gag de quelque chose d'une personne qui s'appelle Éric dans la vie, mais non, il y a pas eu ça. On s'est retenu. Contrairement à ce dit Éric. Mais il faut éviter les clichés c'est aussi. C'est ça, exact. Ouais. Contrairement à Orange. Contrairement. J'avoue, hein. Oui, une improvisation tirée, ben, en fait, fortement inspirée, devrais-je dire, dans une galaxie près de chez vous, en deuxième demi. C'était les mêmes noms, mais virés un peu. Mm-hmm. C'était vraiment la ça même. Ça a commencé avec la même introduction. Nous sommes en 2034, blablabla, blablabla. Oui, ils sont d'ailleurs mérités une pénalité de cliché pour cette improvisation. Tu peux faire un hommage, tu peux avoir des références, mais de là quelque à baser ça. Mais... Exactement. Si ça aurait pu être un épisode complet de cette émission-là, peut-être que c'en est un, je sais pas. peut-être. Mais oui, on a eu beaucoup de plaisir. Il y a la catégorie, le TNM présente... Normalement, on fait le TNM présente une blague. Cette fois-ci, le TNM présente une fleur. Et les Verts... C'est un classique d'Élodie Mongrain à l'époque. En tout cas, je ne sais pas si d'autres l'ont fait, mais ici, ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu. En effet. Et donc, on a présenté les Verts d'une Marguerite. Donc, Marguerite, qui était une personne qui est finalement devenue un génie à 4 ans. Ouais. Qui devait étudier les sciences nucléaires suite à un examen de la vue. Quand je te dis que les improvisations étaient décousues, c'est ce que je veux dire. C'est n'importe quoi. ça mène vers quelque chose de drôle tout le temps. Le TNM présente qui est de prendre quelque chose de facile ou de classique, mais de l'ambitionner avec le budget que le Théâtre du Nouveau Monde exact. Peut avoir. Tandis que du côté des Oranges, c'était une gerbera. Nous autres, on a dit bon moyen, vendre des fleurs en plus. Ben oui, c'est ça. Donc, c'était le classique du je t'aime un peu à la folie, etc. Mais les Oranges ont fait une très belle improvisation là-dessus. C'était... D'ailleurs, ils ont mérité le point. Ben, okay. Hein? Contrairement à l'impro suivante, qui était une chantée. Les chantées sont... disons qu'il y a des choses le fun, des fois, là-dedans. Il y a du potentiel, mais des fois, ça peut tomber vraiment à plat. Écoute, personnellement, je trouve ça rarement intéressant, les improvisations chantées. C'est un défi pour le joueur. c'est un énorme défi, puis c'est... peu souvent relevé comme défi. C'est pénible à écouter, hein? Oui, c'est souvent plus malaisant qu'autre chose. Soit parce qu'un des joueurs n'a pas de rythme, comme Justin Garneau. Mais ça, c'était charmant quand même. Oui, mais il a utilisé justement son manque de rythme probablement pour aller chercher le point. Contrairement à Alexandrine, qui, elle, chante très bien, d'ailleurs. Ah oui, Alexandrine, c'est sûr que s'il y a une chantée et qu'elle peut jouer, que c'est pas, y a pas une contrainte de genre « t'as pas le droit de jouer parce que peu importe la raison », c'est sûr qu'elle va y aller. Ça va tout le temps être parfait. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça surprend les gens? Non. Et les gens aiment ça être surpris des fois, peut-être. Ouais. Mmh, fait que j'imagine que c'est ça. Pour ça, peut-être que Jocelyn a eu le point. En effet. Voilà. Mais Jocelyn, de toute façon, c'est une sommité en impro quand même dans la région. Et bon, il est drôle à juste rester sur la scène debout à rien faire. Ou coucher sur des chaises, comme il fait souvent. Sur des chaises. Jocelyn Garneau aime ça se coucher sur des chaises, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je lui ai suggéré pour cette improvisation-là de ne prendre qu'une chaise encore une fois pour tester ses abdos. Il a refusé. Faire la planche, non, une fois, c'est assez. Par contre, je dois dire que l'utilisation de la chaise et de Jocelyn Garneau a été vraiment extraordinairement impressionnante dans ce match-là, alors qu'il jouait un lifeguard sur le bord d'une piscine ou d'une plage, peu importe. Donc, la chaise, tu sais, tu connais les chaises de métal, était accrochée ou pas suspendue, mais posée sur le bord de la bande. Et là, évidemment, avec son équilibre de fesses, de cuisses, je sais pas trop comment il faisait. Mais en tout cas, ça avait l'air stable. Et il jouait le lifeguard, puis il faisait des signes tout le long que les autres faisaient de l'impro, tu sais. C'était vraiment très bon. Écoute, j'étais complètement concentré sur mon personnage parce que j'ai même pas remarqué ça. C'était, mais parfait. En tout cas, fallait être là. Oui, c'est l'impro qu'on a tenté de faire plus dramatique. Oui. Mais avec Jocelyn derrière, ça a soulevé ça un petit peu du côté légèreté. Oui. Écoute, j'ai beaucoup de misère à me rappeler des improvisations quand je suis moi-même improvisateur. C'est sûr, t'es concentré. Pour ce match-là. C'est d'autant plus vrai quand c'est l'impro de l'autre équipe. Donc, j'essaie de voir les notes que Stéphane a pris pendant le match. Bonne chance! C'est assez difficile, dans le fond, à décrypter. Il y a une impro où on s'est retrouvé dans la jungle. Oui. C'était le mix et finalement on allait chercher le temple avec des singes. Ouais, je me souviens. Quand je te disais des impros décousus, Mathieu, c'est ce que je veux dire dans la soirée. Et c'était un singe qui aurait pu aussi passer pour une mouette. Je crois, cette improvisation-là. Oui. Ouais, c'était comme Stéphanie Bellil, hein, ses effets sonores de singe, je sais pas trop quoi. C'est un mélange, la science est rendue là. Mm-hmm. Écoute, j'essaie de me rappeler, je fais le tour des notes. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est assez, Mathieu. C'est assez. Moi, je veux savoir combien ça a fini. On a vendu le punch que les Verts ont gagné. En effet, par le pointage de 9 à 6, les Verts ont remporté cette partie. Jocelyn Garneau aurait mérité l'étoile remise par les Oranges. Du côté des Oranges, c'est Marc-André Marion Flamand qui est parti avec l'étoile remise par les Verts. Et l'arbitre a remis son étoile à Francis Dugré-Lampron. Ah, que de bons choix. Tout ça pour les dernières étoiles pour l'équipe des Oranges. Parce que c'est terminé pour eux. Qui ont dit leur au revoir pour cette année. Absolument. Ce qui veut dire que les Verts vont revenir la semaine prochaine, lundi, à 20h, pour le match contre les Rouges, qui ont gagné la précédente demi-finale. Eux contre les Rouges. Les Bleus. Donc, Rouge-Vert pour la finale, un match tout Noël. Oh, c'est cool. Un vrai cadeau. Donc, Francis Grillampron contre Gabriel Béhoud du côté des capitaines. Mm-hmm. Ça sera suivi du Gala Mollusque. Oui. Donc, remise de prix pour joueur par excellence, joueuse par excellence, joueur constructeur, joueur le plus apprécié par ses pairs et le coup de cœur du public. Que vous avez choisi vous-même en allant voter pendant les demi-finales 1 et 2. Ça va être vraiment le fun. Gala Mollusque, c'est très rapide. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas trop de transition entre le match et le gala, pour que ce soit tout le monde reste là. Oui, puis on veut quand même que se dépêcher parce que nous autres, on a notre party là. Ben, c'est ça. Quelle idée de faire le party directement après le dernier match. T'sais. Ça va déjà finir assez tard. Tout le monde est là, fait qu'on en profite. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, c'est lundi soir à 20h à Chasse Galerie, toujours gratuit. Dernier match de la saison. Profitez-en. Hein? Profitez-en. Mm-hmm. Puis il y a plein d'autres impros si ça vous intéresse. Il y a la Lime le mardi soir. La Lille va revenir, c'est quoi, le 4 mai pour sa finale, c'est bien ça? Exactement. À Louisville. Sinon, nouveau site web aussi. Oui, le nouveau site web de la Luître. Que j'ai pas. Non plus. On n'a pas vraiment pensé à ça. Vraiment, ouais. Passez par la page Facebook, puis ça va y aller. Ça va y aller. C'est ça. Merci, Frédéric Simon. Et merci à vous. Ouais. Est-ce que tu es pressé, toi? Plus ou moins, non? Plus ou moins? Tu restes un peu? Non, je demande ça tout le temps en nom, c'est fort. On écoute. Non, je suis comme un voleur. Je veux garder les gens avec nous. T'sais. Ben oui. Je suis comme c'est quoi, un faucon? Un faucon? Ouais. Hawk. Ouais, ok. Ouais. Avec la chanson Listen Like Thieves, tout de suite. À son avis. I listen like these. Listen Like Thieves. J'ai fait mes recherches. Hawk, c'est une buse, apparemment, le nom d'une rapace diurne de la famille des accipitredés, un truc. Cute. Bref, toujours à l'assemblage requis. Maintenant, jason un peu, Tania. J'ai entendu que tu as des choses à nous partager. Mais oui, parce que ça arrive souvent qu'on parle de l'état de Facebook. Hein, et dans les derniers jours, bien, Mark Zuckerberg passe au cash. Pas mal. Pour vrai, il a tellement l'air d'un robot. Les mimes où genre, il boit de l'eau. C'est incroyable. C'est marqué genre en police de robot, je dois hydrater mon système pour pouvoir. il était sur un booster seat. Hein. Il était sur un siège là, de cuir. Là, pour le parce qu'il mesure 5 pieds 7. Oui, il est pas très grand. Puis il voulait avoir l'air plus impressionnant à la télé, ou je sais pas trop pourquoi, mais il était sur un vrai coussin de cuir. Oh mon Dieu. Mais on parle souvent des informations qui vous ont peut-être mis dans le pétrin sur Facebook aussi, tu sais, selon les photos que vous mettez, les informations que vous divulguez sur Facebook. Donc, j'ai pour vous ce matin 10 informations à supprimer de votre compte Facebook si vous voulez pas que la vie vous revienne en pleine face. Donc, en premier lieu, bien, supprimez votre date d'anniversaire. Parce qu'en fait, votre date d'anniversaire, c'est quand même assez nécessaire pour permettre à certains fraudeurs d'avoir accès à plusieurs autres informations. Mm-hmm. Donc, de rendre votre date de naissance accessible très facilement sur votre compte Facebook, bien, ça vous expose à de la fraude et à un vol d'identité. Donc, vous pouvez indiquer la date sans nécessairement mettre l'année et vous allez recevoir les vœux de vos amis là, le jour de votre anniversaire quand même. Il faut savoir que pour vous faire un compte, vous allez avoir besoin de marquer votre date de naissance avec l'année, sauf que vous n'êtes pas obligé de la mettre publique. Aussi, il y a plein de gens qui ont en bas de 13 ans, c'est minimum sur Facebook, théoriquement. Mais dans le temps, en tout cas, les premières années, c'était sorti, c'était 18 ans. Oui, il a dit récemment que c'était 13 ans. Je pense même que c'était pendant son procès devant le Congrès. Par la suite, s'il vous plaît, supprimez votre numéro de téléphone. Ah oui! Parce que c'est un numéro qui peut également être disponible à tous, à vos amis aussi, mais vos paramètres de confidentialité vont tout simplement le propager. Donc, si jamais vous cherchez quelqu'un sur Facebook, vous pouvez chercher par numéro de téléphone. Vous pouviez, je veux pas te corriger à outrance, mais j'ai vu un article cette semaine disant que les règles allaient changer. J'espère! Que tu pourrais plus chercher par adresse courriel ou par numéro de téléphone. Ça va enlever plusieurs options pour les stalkers. Par la suite, effacez la majorité de vos amis Facebook. Qu'est-ce qu'on veut dire par la majorité de vos amis Facebook? En fait, il y a une théorie selon un professeur en psychologie de l'Université d'Oxford qui dit qu'une personne normale peut maintenir des relations avec environ 150 personnes. Donc, au-dessus de ce chiffre-là, vos relations sur Facebook sont vouées à l'échec. On a tendance à ajouter tout le monde qu'on rencontre. Ben oui, exactement. Donc, une bonne majorité de vos amis Facebook, si vous en avez beaucoup plus que 150, bien, ça pourrait ne pas être réellement intéressé par vos activités Facebook ou vous êtes tout simplement pas vous-même intéressé par leur activité Facebook, fait que supprimez. Tu peux faire un conseil, sinon vous pouvez déçuivre les gens, vous pouvez aussi les cacher pendant 30 jours et une autre solution que j'aime bien, c'est de les mettre dans la liste connaissances, acquaintances sur Facebook, comme ça vous allez rien voir passer d'eux, mais vous allez rester amis entre guillemets avec eux. Exactement. Par la suite, si vous êtes parents, s'il vous plaît, évitez de mettre des photos de vos enfants. En public, hein? Oui, surtout. C'est lourd. Il y a une chercheuse de l'Université d'Oxford, en fait, qui s'est posée une question vraiment simple sur ce sujet-là. Quel genre d'informations les enfants voudraient-ils voir à leur sujet une fois devenus adultes? Donc, pour éviter de se tromper, il vaut mieux éviter d'en mettre ou du moins en mettre le moins possible. Fait que le moment du temps que vos enfants sont sortis de vous, là, on n'est pas obligé de les voir, OK? Faites un montage photo, si vous voulez, une fois par année. C'est ça, exactement. Sinon, supprimez le reste. Par la suite, les services de géolocalisation. Ben oui. Faites attention à ça sur Facebook. C'est-à-dire que Facebook peut suivre à la trace les utilisateurs qui sont désactivés, qui ne sont pas désactivés, en fait. Parce que, bon, surtout si vous êtes genre à vous taguer sur vos photos, de mettre votre localisation. Donc, essayez d'enlever tout ça, parce que ce n'est pas nécessairement nécessaire d'être suivi constamment par Facebook. Par la suite, supprimez votre patron. Tout ce que vous écrivez sur Facebook, ça peut être retenu contre vous, sachez-le. Vos publications récentes, comme celles du passé, donc on parle souvent des photos, c'est possible d'exclure vos supérieurs de certaines publications en les partageant qu'avec vos amis proches. Mais sinon, dans tout autre cas, c'est préférable de ne pas avoir son boss sur son compte Facebook, même si... Ils sont pas là pour se faire des amis. Même si vous êtes gentil, exactement. Même si vos boss sont gentils, même si vous êtes un gentil employé... Loyal, maintenant. Exactement. Préférablement, c'est mieux de ne pas les avoir. Ouais. Par la suite, bien, on l'a dit tout à l'heure, géolocalisation, évitez de vous taguer. Mm-hmm. C'est très simple, en fait, de ne pas taguer votre localisation sur Facebook. Ça ne donne pas votre adresse, ça ne donne pas où vous êtes. Donc, c'est pas pas mal winner, je vous dirais. Par la suite, essayez d'éviter votre lieu de vacances. Ben oui. Hein? Donc, pas besoin de crier à tous vos amis à quel endroit vous allez partir, quand vous allez partir. À quelle heure? À quelle heure? Sur quelle rue vous habitez? Pendant combien de temps? Parce que selon un site spécialisé en finance, il y a les voyageurs qui sont victimes d'introduction par effraction dans leur domicile pendant qu'ils étaient en vacances pourraient ne pas avoir droit au remboursement d'assurance s'ils avaient tout dit publiquement avant de partir sur Facebook. C'est tellement logique. Je veux dire, je peux pas croire qu'une compagnie d'assurance te paierait pour te dédommager si t'as écrit que t'allais en vacances. Franchement. Ah, excuse-moi, je t'ai pas ouvert, hein? Allô? Allô? Hey, tout le monde, ma maison est disponible pour les deux prochaines semaines pour un cambriolage. Exactement. Donc, c'est comme un Airbnb, mais tu sais, du vol. Tout à fait. Et par la suite, de la prochaine, en fait, selon moi, elle est quand même assez logique. Et, supprimer toute information de votre carte de crédit sur votre compte Facebook. Y a-t-il des gens qui ont mis leur information de carte de crédit sur Facebook? Ben oui, pour les jeux. Ah ben. Donc, évitez de partager toutes données bancaires personnelles, comme par exemple les informations de votre carte de crédit ou encore les informations de votre compte en banque. Et ce, même par messagerie privée. Parce que ça a été révélé récemment que Facebook utilise des outils automatisés pour surveiller les conversations qui se tiennent sur le compte de messagerie Messenger. Donc, vos messages sont pas réellement privés. Il faut comprendre que ça scanne. Là, hein? Si vous écrivez « bombe » aux deux mots, ça se peut que ça se cogne chez vous. Mais à part ça, il y a pas d'autres problèmes là, par rapport au compte Messenger. C'est drôle que tu dises ça parce que je viens tout juste d'ajouter ma carte de crédit sur mon compte Facebook pour pouvoir payer des pubs, pour pouvoir essayer d'avoir des likes sur ma page une grosse pointe en l'air. C'est ça, je les aime. Qui c'est qui met son compte Facebook? En fait, si vous êtes du style voyageur, effacez tout de suite vos photos de carte d'embarquement. Parce que c'est quand même tentant de prendre une photo de votre carte d'embarquement et de la publier là, pendant que vous partez en voyage, justement, et que votre maison est disponible. Mais faites-le pas parce que la carte et le code-barre qui s'y trouvent sont des informations qui sont uniques à vous et qui ne doivent pas être partagées sur les réseaux sociaux. Si vous vous y tenez absolument, bien cachez le code-barre et le numéro de réservation de votre carte d'embarquement parce que sinon, vous vous exposez quand même à de bons problèmes, surtout si la personne qui voit cette photo-là est un crack informatique et qui est capable de lire un code. Ben c'est ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un billet de show, truc, une lettre d'acceptation pour l'université, peu importe. Cachez les informations avec votre pouce, il me semble que c'est la base. Exactement. Donc, ce sont des informations à prendre en considération, à devoir supprimer de son compte Facebook dans les prochains jours. C'est excellent, ça, dans les prochaines heures. Arrangez-vous de faire ça là. Oui, hein, s'il vous plaît. Supprimez tout. Faites ça, c'est la job. Votre boss, sinon, ce ne sera plus votre ami pareil. Ben, c'est ça, de toute façon. Partez tout à zéro. Fred Simon, je m'excuse tellement. Mais quoi? Je te trouvais genre, je te trouvais gêné dans cette chronique-là, puis c'était comme je suis même pas ouvert. Tu peux bien être gêné. Ben, c'est ça. C'est ça. Je parlais fort, mais ça m'entendait pas. C'est ça. Hey! Bon, c'est comme si on t'enlevait le tapis de sous les pieds, ou c'est comme si Mark Zuckerberg, avec son Facebook pour être riche, il était all-in, il était à tapis. C'est ça qu'on dit en français, apparemment? À ça, tapis? Ben, à tapis, oui. On dit jamais, mais c'est quand même ça qui est supposé être dit. Bref, on écoute le ROG. C'est le nom du band. Voici Gloss, ce que vous allez porter pour votre prochaine photo de profil. Rassemblage d'équipe, restez là, on joue à la vraie photo. We'll be right back. aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Toujours dans l'émission Assemblage Reiki, accompagné de Mathieu Blanc. Et de Tania Boutin. Oh oui, mais nous ne sommes pas seuls. Non, on a gardé Frédéric Simon. Ouais. Allô? On abuse, hein? Hey, on m'entend. Hey! Oh, oh, il est là! Le micro est ouvert. Ah, même pas besoin de crier. Quoi que ça va être le fun de crier si tu gagnes. Ouais, si okay. Tu gagnes le jeu reconnu partout dans la station. Le vrai faux. <ouais. rire> Télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur internet une tempête d'images, un faisceau, le vrai, le faux se touche dans le noir car oui vraiment on ne peut pas tout savoir. C'est le vrai, le faux, la chronique, on essaie de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux parmi les articles que je présente à nos participants aujourd'hui, Tania Baudin et oui. Frédéric Simon. On va pas promener tes adversaires comme ça, Tania? Non. T'as fait un finger, mais pas à Frédéric. Pas à Frédéric. Sur quelqu'un qui a posté une immense chenille sur mon Facebook, et là, ça arrête plus, genre, je peux pas passer à autre chose, tu comprends? Ben voyons, comment ça? Je sais pas. C'est Facebook. Bon, hein? Il était temps, je savais de supprimer cette personne. Bon, ben c'est... Ben, faut faire le ménage, 150 amis. C'est ça, 150 max. J'ai une clochette qui est capable de l'attraper si je la lance, attention. Et... Oh! Yeah! Mets ça dans le milieu, hein, puis la première personne qui poinçonne le buzzer va avoir le point, hein, puis après ça, droit de réplique, hein, puis là, c'est un demi-point. C'est ça qu'on fait, on va faire ça. Qui prend le score? Tania prend le score parce qu'elle est bonne là-dedans. Ouais, OK. Concentration. Alors, on va commencer par notre premier article, hein. Est-ce que c'est vrai qu'on est en train de bannir aux États-Unis la neige, la fausse neige, tu sais, fabriquée par l'humain, à cause de hautes concentrations de monoxyde d'hydrogène? Donc, c'est l'Environmental Protection Agency qui veut bannir ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On parle des... Oh, pas bah, oui. Moi, je dis que c'est faux. Tu dis que c'est faux? C'est faux! Ah, Tania, j'aurais dû te laisser finir. Mais non, mais j'avais même pas écouté parce que j'étais en train d'écrire le pointage, mais bon. C'est difficile d'écrire. Par après de l'U. Ben, j'ai écrit nos noms complets. OK. C'est du monoxyde de dihydrogène, c'est bien ça dont on parle. C'est le 31 mars dernier que Snow Riders Australia, qui est un site dédié aux personnes qui aiment le ski et le snowboard, qui a posté un reportage, un article parlant de tout ça, qu'on allait bannir le DHMO. L'histoire était une blague du poisson d'avril. Ah, ben oui. J'avoue que c'est la période, hein, les forces ouais, hein? Vraiment drôle. Le mois d'avril, hein. Non, ça tient pas d'un fil. Ça tient après un fil. Ça existe depuis des années, cette blague-là, cette grosse attrape-là. En 2004, il y avait la même chose à Aliso Viejo, une ville de Orange County en Californie. Ils ont presque banni les verres de styromousse après avoir cru cette nouvelle-là par rapport au DHMO utilisé dans la fabrication, entre autres, de ces verres-là. Mais ça existe depuis même avant Internet, hein, cette attrape-là, depuis au moins 1983. Encore une fois, en blague du poisson d'avril, les gens, ils trouvent des affaires qui ont l'air vraies. C'est une sorte de blague quand même. Je préfère celles qui ont vraiment pas l'air vraies. T'sais. Puis ça, c'est drôle. un point pour Frédéric. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'une jeune femme a délibérément infecté 324 hommes avec le VIH? Une fille de 19 ans, ok. Tania? Je vais dire que c'est faux. C'est faux! Étudiante universitaire de 19 ans du Kenya qui aurait supposément infecté 324 hommes. C'est beaucoup, hein? C'est énorme! Elle fait le tour. On appelle. Mais tu sais, peut-être qu'il y avait juste une aiguille aussi, là, on s'entend. Oh oui! Ah, peut-être, ouais, c'était pas dit, hein? C'est ça, quand, ouais. C'est. Tu te promènes dans la foule à un show. Wow. Avec une aiguille de VIH. Donc, c'est ça, complètement faux, apparemment. Ça vient, il y a plein d'informations là-dessus, mais c'était une rumeur au départ, et puis. C'est juste faux. Ensuite, est-ce que c'est vrai que Donald Trump a fait peur à un groupe? Et attendez avant de cliquer parce que je vais vous montrer un extrait, hein? Si je peux. Est-ce que vous avez vu passer ça? En fait, c'était l'histoire de... ça se passait dans une école où Donald Trump arrive. Et là, les enfants sont là. Et ils commencent à... avoir peur! Est-ce que c'est vrai, ça? Ou est-ce que c'est faux? Oh, mon Dieu. On a l'extrait vidéo quand même, donc j'imagine que ça... Ça peut influencer votre... Ben, je vais dire faux. Ouais, moi aussi, j'aurais dit faux. j'ai essayé de trop vendre dans le fait que ça avait l'air vrai. C'est effectivement faux, un point. Est-ce qu'on pour a un Frédéric. Point chaque? t'as dit, t'as pas cliqué sur le buzzer en premier. Ok, faut cliquer en premier. C'est ça. Hein? Mon Dieu. T'es habitué de jouer tout seul, tu sais. C'est comme, elle a tous les points, mais là. Mais ben non, mais là, j'ai dit, j'aurais dit faux aussi. Ok, un point, 5 points. Point 5 points. Point 5 points. Point 5 points. Un demi-point. Point, pour moi? C'est pas assez généreux, ça? Pour mais toi? Voyons, mais bah, moi, je l'ai. Il a buzzé en premier. Ok, un point pour toi. Merci. Hein? Mais là, à quoi sert le buzzer, si vous êtes pour avoir un okay, point? Ok, d'abord, là. On va sonner à chaque fois, Mathieu. Correct. J'avoue. Mais c'est le premier, c'est le buzzer. En tout cas. Okay. Donc, c'était le 1er avril. Où... J'avoue. Il faut garder la main derrière le dos c'est comme dans ça, les derniers camps. Bref, ça vient d'un auteur sur Instagram, un utilisateur, Jimmy Veg, qui combine deux vidéos qui n'ont pas de lien ensemble. La première vidéo, c'est Trump qui visite un groupe de personnes de première année. Ah, ok, je pensais qu'on était dans une autre nouvelle, moi. J'étais là, voyons, c'est long. J'explique le fait. Okay. À l'International Christian Academy, dans le Nevada, le 5 octobre 2016. Et la deuxième, c'est des enfants qui ont peur à cause d'un lapin de Pâques qui rentre dans leur classe. Tu sais, imagine, t'as plus peur par du lapin de Pâques que de Trump, il y a quelque chose qui marche pas dans la vie. Là. Mais pour ceux qui sont pas en studio à parler, enfin, tout le monde sauf nous trois, ça qui ont pas vu l'extrait vidéo, il ressemble vraiment, il a l'air vraiment perdu dans ouais, Trump. Hein. Il ressemble un peu à John Travolta dans Pulp Fiction. Eh oui, le gif célèbre. J'avoue. Ensuite, prochaine question, là, c'est vrai, on transitionne. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une pancarte, que quelqu'un a écrit une pancarte « Stop killing alligators to make Gatorade » lors d'une manifestation? Ça vient de Londres, apparemment. Est-ce que c'est vrai? Je te dis que c'est vrai. C'est faux! Pauvre toi! Donc, une photo qui montre une pancarte disant « Arrêtez de tuer des alligators pour faire du Gatorade. » On se comprend. Une question qui a été posée mais en blague sur Internet. Mais c'est que les gens sont tellement stupides, ça aurait pas arrivé pour vrai. Mais Tania, j'aurais probablement répondu ouais, vrai aussi merci. Parce que je trouve ça vraiment drôle. C'est très bon, pour vrai. Tu sais, comme moi, je l'aurais fait. Pour rire des manifestants, mettons, ça aurait été absolument parfait. C'est ça. Mais non, donc, il y a des gens qui ont partagé ça sur Twitter, bien sûr. La version originale, en fait, de cette femme-là avait une pancarte qui disait « I'm really not happy about this », donc je suis vraiment pas contente. Et ça a été pris par le photographe Stéphane Rousseau, toi. Ah, oh, mon Dieu. Mmh. Est-ce que je dois mettre un point à Fred? Parce que ben là, tout le monde parce va pouvoir dire par après, genre, ouais, t'as répondu quoi? Parce que j'ai dit la réponse entre temps, fait qu'il peut pas vraiment faire le point si. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Non. Ensuite, continuons, je vais essayer d'être plus fair avec vous. Est-ce que c'est vrai qu'un juge en Californie a dit qu'on devrait mettre un avertissement sur le café, avertissant donc que c'était possible d'avoir un cancer là-dessus? C'est un juge de la Cour supérieure, Elihu Burl, qui a dit donc que la loi de la Californie devrait forcer les compagnies à avoir une étiquette contre le cancer. Cancer? Ouais, étant donné qu'il y a le truc chimique qui est produit pendant la torréfaction du café. Tania? Ben, je vais dire que c'est vrai et faux. Ok, explique-toi avant que je dise la réponse. Ok, je vais dire que il a dit ça, mais la production chimique est pas vraie. Je vais lire et on va voir ce que je te donne après. Okay. On va essayer de juger ça. Donc, le juge de Los Angeles qui a dit que la loi en Californie demandait aux compagnies de café d'avoir une étiquette de cancer par rapport au processus de torréfaction. Et il a écrit ça dans une proposition disant que Starbucks et d'autres compagnies de café n'avaient pas montré comment il y avait une menace par rapport à cet élément chimique-là dans le café. C'est le Council for Education and Research on Toxics, un groupe qui est une OSBL, donc qui n'est pas là pour faire de l'argent, a poursuivi Starbucks et environ 90 autres compagnies, dont des épiceries et des magasins en général, sous cette loi de l'État qui demande d'avoir un avertissement sur tout ce qui a une possibilité d'avoir un cancer de relié à ça. On parle ici dans ce cas-là de l'acrylamide, un cancérigène qui est présent dans le café. Ouais, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est une décision qui a été prise récemment et l'étude indique que le café a très peu de chances de causer un cancer de la poitrine, de la prostate ou du pancréas. Le cas ici est en instance depuis 8 ans environ et c'est toujours pas terminé. Il y a une troisième phase de ce procès-là qui va déterminer plus tard s'il devrait y avoir des pénalités au civil que les compagnies de café vont devoir payer. On dit que la pénalité pourrait être de 2 500 $ par personne qui est exposée chaque jour depuis les 8 dernières années, depuis le début de la poursuite. Ça pourrait être donc astronomique dans un État qui a presque 40 millions de résidents. Mais ce chiffre-là est quand même improbable. La poursuite a été amenée après l'acte qui est le Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act qui a été passé au vote par la proposition 65 en 1986 et ça permet aux consommateurs privés, aux groupes et aux avocats de poursuivre au nom de l'État et de ramasser de l'argent par rapport à ça. La loi a reçu quand même un bon petit crédit, une reconnaissance. Ça a réduit le taux de produits chimiques qui causent du cancer et des défectuosités à la naissance. Par exemple, le plomb dans les colorants pour les cheveux, ouais. Le mercure dans les sprays nasaux et l'arsenic dans l'eau embouteillée. Et on l'a aussi critiqué, cette loi-là, parce que ça a été abusé par des avocats qui essaient de faire de l'argent rapidement. Donc, en tant que telle, une loi qui est vraie. Ouais. Un avertissement qui devrait être là selon la loi. Et le juge a vraiment dit ça. Ouais. Mais toi, t'as dit qu'en tant que tel, c'était probablement pas mortel de faire ça. Donc ça, c'est vrai aussi que c'est pas mortel. Donc je pense que je pourrais te donner le point au complet. OK, yeah! Merci. Est-ce que c'est logique? C'est logique? Oui, c'est logique. Ouais. D'accord. Merci. Moi, je l'ai dit, j'allais essayer d'être fair. OK. Est-ce qu'il y a un point dans l'océan, okay, l'océan en tant que tel, est-ce qu'il y a un endroit dans l'océan où l'humain le plus proche de la Terre, donc d'un pays, serait en fait dans l'espace? La distance entre l'océan et la Terre serait plus petite que la différence entre l'océan et l'espace. Tu veux dire qu'elle serait plus grande? Dans le fond, que l'humain le plus proche à ce point-là dans l'océan serait dans l'espace et non pas sur la Terre. Est-ce que c'est vrai? On appelle ça le point Nemo. C'est le point dans l'océan qui est le plus loin de la Terre en tant que telle, des surfaces habitables. Et oui, Frédéric? Ben, je vais dire faux juste à cause du nom. Le point Nemo. Parce que c'est quoi? Ils l'ont trouvé, ce point-là? Ben en fait, peut-être parce que c'est vrai. C'est un point dans le milieu de l'océan Pacifique qui est tellement loin de tout ce qui est Terre que l'humain le plus proche, possiblement, potentiellement, serait dans la Station Spatiale Internationale. Wow. C'est vrai. Le point Nemo, c'est un point géographique dans le sud de l'océan Pacifique. Ça s'écrit très loin. Comme Nemo Nemo? Oui, exactement. C'est une allusion, en fait, Frédéric, tu demandais si c'était peut-être un hommage à Nemo dans les films. Nemo. Ben, bâtard. Non, en fait, c'est une allusion au personnage de Jules Verne, le capitaine Nemo. Mm-hmm. C'est le nom, le mot en latin pour personne pantoute, nobody. Un terme scientifique pour un de ses points d'inaccessibilité. C'était défini par un ingénieur croatien-canadien, Jorge Lucatella, en utilisant la logique que le point le plus loin serait équidistant des trois lignes, donc des trois côtes, si on veut, donc les endroits qui mènent vers l'eau, dans une sphère tridimensionnelle. Et en faisant un paquet de calculs mathématiques, il a trouvé que le point le plus distant de ces trois endroits-là, ce serait à 1450 milles nautiques de ces trois endroits, donc Doocy Island dans le Pacifique Sud, Motunui Rapanui dans le Pacifique Sud et Maher Island, Sipley Island dans l'Antarctique. Donc le point le plus près, ce serait à la Station Spatiale Internationale en théorie, ben ouais. Bien sûr. Le point le plus près habitable du point Nemo est à 2700 km, alors que la Station Spatiale Internationale est à un maximum de 416 km, ce qui est vraiment beaucoup moins. Ben oui, je suis en train de lire un article là-dessus, ils en ont parlé récemment. Ben oui, toi. Parce que ça pourrait devenir le cimetière des déchets spatiaux. Oh! Donc, quand une station... tombe quelque chose, éjecte quelque chose. Oui, exactement. Bien, on le pitcherait là. Pas de bonne idée, ça. Pour aller le récupérer par la suite, mais on est sûr que ça fera pas de dégâts nulle part ailleurs. Ah! Bon, ben, on a trouvé Nemo. On a trouvé Nemo. Exactement. Écoute. Le mot latin pour personne pantoute. Ah, en fait, c'est en hommage de Jules Verne. Oui, je viens juste de l'expliquer, mais il fallait que t'écoutes, j'imagine. Ben, je lisais. Ouais, je comprends, c'est ça. C'était plus intéressant que moi. Je connais aussi Jules Verne. Tu connais Jules Verne? Ben, oui. OK. OK. Je préférais quand même la référence à trouver Nemo parce qu'ils ont trouvé ce point-là. Effectivement. Est-ce que c'est vrai qu'un plongeur a été hospitalisé après avoir accroché ou pris son pipi dans une espèce de mollusque? Pas de mollusque, mais comment t'appelles ça? Une huître? Une huître. Une palourde, en fait, une palourde. Mais il n'y avait pas de costume? Ben, c'est un aventurier... si nudiste. On veut. Nudiste, sexuellement aventurier, voilà. Qui a eu une réaction allergique. Il s'est dit, au lieu de pogner une chèvre, m'a pogné une huître. C'est Frédéric. Je vais dire faux, même si tu trouves très drôle la pêche à la palourde nudiste. C'est effectivement faux. C'est un site de satire nommé World News Daily Report qui a publié un faux article sur un plongeur qui avait souffert d'une réaction allergique après avoir pogné son pipi à l'intérieur d'une palourde géante. World News Daily Report, qui est un site de satire depuis toujours, c'est un de ceux qui sont les plus participatifs dans cette chronique-là depuis toujours. La première photo, vous la voyez pas à l'écran, là, mais quelqu'un qui s'en passe un peu aussi à cause de l'allergie, ça vient complètement d'une autre vidéo. Il est devenu mexicain en plus. Écoute. Mais en fait, ça vient d'Hawaï. Il a bronzé entre-temps. Quand même proche, pas vraiment, mais bon. Un teint plus basané, maintenant. Ouais, c'est ça, plus basané. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un téléphone cellulaire, un téléphone mobile, a fait exploser une voiture à une station-service? Ça s'est passé dans l'Équateur, au Brésil. Une explosion qui aurait été causée par des enfants qui auraient allumé un téléphone cellulaire sur le siège arrière d'une voiture. Tu sais, on voit souvent les pancartes « Ne pas allumer votre téléphone cellulaire autour de... » Hein? T'as pas jamais vu ça? Jamais vu ça. De pas démarrer votre moteur, téléphone cellulaire, ouais. Ouais, c'est vrai. À côté d'une station d'essence? À côté d'une station de poste d'essence, finalement. Ben voyons donc. Je suis en train de regarder mon téléphone quand je t'inquiète. Je vais quand même dire faux pour la nouvelle, mais effectivement, il y a des pancartes quand même. C'est vrai? C'est pas toutes les stations d'essence qui ont ça. Peut-être pas, non, je sais non, pas. C'est ça. Je connais pas. Mais c'est faux. Effectivement, donc un point pour Fred. C'est donc une vidéo choquante qui a été diffusée sur Internet un petit peu partout, qui parlait donc des signaux Wi-Fi, des signaux cellulaires qui pouvaient causer des explosions. La vidéo, qui est encore une fois sur assemblagerequis.com, vient d'un site de l'Équateur qui est Aldia. Mais en réalité, la vidéo montre une voiture qui explose à une station-service dans la ville de São Gonçalo, dans le sud-est du Brésil, le 8 avril 2017. Aucun enfant était dans le véhicule à ce moment-là, mais une passagère a été tuée et le chauffeur, qui lui avait l'air de parler avec elle dans la vidéo, a été blessé. Mais dans une autre situation complètement. Ça dit que l'examen a été fait et on enquête sur la cause de l'accident, mais ça n'a pas rapport avec le téléphone cellulaire. La cause de l'explosion précise n'est pas claire en ce moment, mais c'est un mythe que le signal du téléphone cellulaire peut causer une explosion à une station de service. Ça nous dit qu'il n'y a aucune évidence sûre qui a été amenée depuis... donc, ça a été adressé pour la première fois en 1999. Le Petroleum Equipment Institute a étudié des centaines de feux et d'explosions qui ont eu lieu dans des stations de service entre 1992 et 2010. Selon un rapport détaillé, personne avait un téléphone... il n'y avait aucun lien avec un téléphone cellulaire dans aucun de ces cas-là, mais le groupe accentue quand même au début de son rapport que les téléphones cellulaires continuent d'être cités comme cause de feu aux stations-service. Ouais. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à trouver de preuves par rapport à tout ça, mais j'imagine qu'on a encore l'affichage sur les stations-service par précaution totale. Sûrement. Donc faites attention quand même. Par contre, de démarrer la voiture, ça, les vidéos aussi sont assez puissantes sur YouTube. Faites pas ça. Ça fait peur. Hein? Ensuite... Est-ce que c'est vrai qu'il y a une photo, je vais vous la montrer ici, ça dit rien, ça, ouais, vraiment. Une photo qui montre Donald Trump, Stormy Daniels et la femme de Donald Trump, Melania. Donc Stormy Daniels étant la vedette de porno qui crée controverse en ce moment. Et donc, est-ce que c'est une vraie photo? Qui sont les trois ensemble? Qui sont les trois ensemble sur la même photo, le président des États-Unis, sa femme et sa maîtresse présumée. Elle a été prise quand? Ça aurait été pris, attention, alors qu'elle était enceinte, je sais pas à quel endroit. Stormy ou Melania? Melania, évidemment. Une photo qui aurait été prise au Fashion Group International's Night of Stars en octobre 2005. Je veux dire que c'est vrai. C'est faux. Ah! Ouais, c'est complètement faux. Ça a circulé, mais ce n'est pas... En fait, c'est pas un montage photo. Dans un événement, tu rencontres une star de la porno. Écoute, hein, c'est récent. Hein, exactement. C'est fréquent aux États-Unis. Je peux vous montrer l'avant-après donc de la manipulation et de la vraie photo. L'image de Stormy Daniels a été prise à un autre événement. C'était en 2006 au AVN Awards. Un spectacle, une remise de prix, en fait, qui est dédiée à l'industrie de la porno. Hein? Elle a gagné meilleure actrice de soutien. Et meilleur scénario pour Camp Cuddly Pines Power Tool Massacre. Toutes les choses auxquelles on peut penser quand tu dis meilleure actrice de soutien. C'est ça, exactement. Le soutif. Tout le monde va aller torrenter Camp Cuddly Pines Power Tool Massacre à l'instant. voilà. Donc, l'image virale est fausse, une manipulation numérique. Ensuite, on reste en politique. Est-ce que c'est vrai que trois leaders du monde ont été pris en photo en même temps? Donc, une photographie de Angela Merkel, Theresa May et Dalia Gribauskaité. Je vais vous montrer la photo avant de vous dire qui sont donc des world leaders, okay, des chefs, des présidents. Enlève-moi ça de dans ma face, ça fait peur. En noir et blanc, la photo. Attends, on dirait un mauvais film d'horreur. Une image qui montrerait donc la chancelière allemande Angela Merkel, la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, et la présidente de la Lituanie, Dalia Grybauskaitė, ensemble, un party pour adolescents. Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est faux? C'est faux. Je dirais vrai, moi. Ah ouais? Oh! OK. En fait, c'est comme un entre-deux, mais plus faux que vrai, par contre. L'image montre vraiment une jeune Angela Merkel. Par contre, les deux autres femmes dans la photographie ne sont pas Theresa May et Dalia Grybauskaitė. Donc, je peux pas vraiment donner le point pour eux, parce que c'est juste une sur trois. Mais les autres, c'est-tu genre Tamara du Cercle? Hey, hein? Bon, ouais, sérieux, mets cette photo-là sur la page Facebook d'Assemblage. L'exorciste et tout. Tellement peur. Et même les photos présentement, elles font peur. Ouais, ben c'est sûr que Theresa May, c'est pas son meilleur angle. Elle a l'air particulièrement pâle. Hein? non, c'est ça, on n'a pas réussi, selon Snopes.com, à identifier les deux autres personnes, mais ça n'a rien à voir avec les autres présidents. Parce qu'elles sont mortes. Elles ont été enlevées par la fille. Morticia, tu veux dire? Elles sont morticia. Oh mon Dieu, donc, hey, ça fait peur. C'est fou. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une femme à New York qui s'est fait poser un lapin, si on veut, par un homme mystère, a été décrit sur une grande murale? Donc, on parle d'une murale de 20 pieds. Demandant à retrouver cette personne-là pour la Saint-Valentin. Donc, sur une murale, on a écrit « Ok, est-ce que je peux retrouver la personne qui m'a posé un lapin? » Ben, ça veut pas c'était qui? En fait, c'était une date. C'est une blind date, c'est ça. Eh boy, ça sent. Alors, une femme de New York qui cherche donc une connexion manquée par une muraille de 20 pieds de haut demandant de la rencontrer à la Saint-Valentin. Ça se passe avec un homme qui s'appelle Devin Costello, qui a attendu pendant presque 30 minutes à ce panneau-là, qui demandait à l'homme mystère, au soulier jaune qu'elle avait rencontré dans le métro, de la rencontrer à 13h un mercredi. Elle était entourée de ses amis, famille et plusieurs caméras pour rencontrer cette personne-là qui, finalement, ne s'est jamais présentée. Mais j'espère, t'attends quelqu'un pour la première fois, il y a des caméras puis ta famille est là. Demande-le donc au mariage, ça cueillette. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ah, ça, on dirait que la folerie des gens de New York m'effraie. Je vais avoir espoir en l'humanité, je vais dire que c'est faux. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Non! Tu peux pas faire ça! Ouais, oui. Pauvre gars! C'est sûr que c'est écrit ça sur un mur, il s'est pas pointé! J'avoue, hein, vu de même. Oh mon une Dieu! Une femme à marier, finalement. Voilà. Ben, tu sais, hein, aussi folle, clairement. Mm. C'est cute juste dans les films de Nicholas Sparks. Fais pas ça! Fais pas ça. C'est jamais la fille qui fait ça. Est-ce que c'est pas mieux si c'est lui? C'est ça! Les deux bords, tout le monde perd là-dedans. C'est comme, ok, tu veux que tu sois grandiose, mais non, ça marche pas. Non, c'est pas grandiose, c'est pathétique. Est-ce que c'est vrai, je pense qu'on va terminer avec celui-là, ou presque, est-ce que c'est vrai qu'un professeur a fait échouer un étudiant pour avoir dit correctement, en fait, que l'Australie était un pays? Donc, c'est Ashley Arnold qui a triomphé finalement après l'erreur de son professeur à l'université, quand même, au niveau collégial. Frédéric? Je vais dire que c'est vrai et faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Elle a finalement gagné son point, mais que le professeur continue quand même de s'ostiner. Ouais, c'est ça. C'est clair, c'est ça. Pas exactement. Ce qui est vrai, c'est que l'étudiante a vraiment reçu un échec de la part de son instructeur qui lui a dit que l'Australie était un continent et non pas un pays. Okay? Ce qui est faux, par contre, c'est que la note était seulement pour un petit devoir et plus tard, ça a été corrigé. L'université a remboursé, en fait, à l'étudiante le coût du cours au grand complet. Donc, finalement, elle a... Ben, pour vrai, c'est le professeur, mais c'est quoi que l'Australie est un pays. Le professeur est adapte. Tania, attention, c'est une femme de 27 ans de l'Idaho et son professeur de sociologie qui ne savait pas que l'Australie était un pays. Ça a été discuté dans les médias en février dernier, ses problèmes avec le professeur de l'université Southern New Hampshire University. C'était lors d'un... ça a été discuté sur Twitter à partir du 2 février. Elle a eu des problèmes avec cet instructeur-là qui n'a pas été identifié, en fait, pour éviter les qu'il problèmes. Qu'il ne se fasse pas engager ailleurs. C'est ça. L'université ne voulait pas commenter sur les notes de Arnold, citant donc les réglementations sur la vie privée. Mais c'est ça, on a appris qu'elle avait eu une note d'échec sur ce devoir-là. Et l'instructeur a plus tard expliqué, je cite, que l'Australie est un continent et non pas un pays. L'erreur rend... c'est ça, elle est... L'erreur a fait que c'était impossible pour vous de compléter correctement votre devoir. Donc, il a dit ça pour pouvoir, après ça, se revenir en arrière et dire que finalement, c'était correct parce que personne ne pouvait avoir la bonne réponse dans ce devoir-là parce qu'il avait tort. Bref. Il a fait sa recherche. Après ça, il est allé voir, finalement, sur le site du gouvernement australien qui disait que l'Australie est un continent-île et le sixième plus grand pays du monde avec 7 682 300 km². L'instructeur a remplacé sa note qui était un échec à la base avec un B+, finalement. Hein, quand même, au moins, ça finit bien. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un étranger, une étrangère, en fait, est-ce que c'est une femme? Je crois que oui. Une étrangère est accusée d'avoir frappé le garçon d'un autre homme dans un magasin de la Géorgie. Donc, c'est le fils de 2 ans d'un homme et quelqu'un d'autre, un étranger, lui a donné la fessée. Hein? Finalement. Attends, répète. Un père? Ouais. D'un fils de 2 ans? Oui. OK. Dans un magasin en Géorgie. Ouais. Un étranger a puni le fils parce que le fils arrêtait pas de demander une barre de chocolat à son père. Puis il l'a frappé? Et l'étranger a frappé l'enfant. Du père, et non pas le père a frappé, c'est l'étranger qui a frappé. Tania. Je dois dire que c'est vrai. Pourquoi? Et je vais m'expliquer. OK, vas-y. Parce que les gens se sentent vraiment interpellés par l'éducation des enfants des autres. Et je veux dire qu'il l'a pas frappé comme tu frappes quelqu'un qui vient de te voler ton portefeuille. Non, c'est ça. Il a probablement fait... Spanking, hey, là, une petite tape. Ça suffit, hein? C'est ton ça. Père t'a dit non, t'a dit non. Même toutes tes affaires. les sacs, attention. J'ai pas sacré. J'ai entendu Steve. Non. C'était Steve, finalement. C'est ça. Calme-toi, Steve. Mais c'est vrai. Yeah! Non, c'est pas... Un rapport policier de la police de Newnan dit que Juan Martinez, 62 ans, a été arrêté. La police dit que Martinez sentait l'alcool et parlait bizarrement. Le père de l'enfant de 2 ans, James Morris, a dit au Newnan Times Herald que son fils lui demandait du chocolat dans la file d'attente. Et là, Martinez est arrivé et a giflé la main et les fesses du fils. Morris dit que son fils n'a pas été blessé en tant que tel. Et la police dit que Martinez a été arrêté pour obstruction et d'autres trucs comme ça. Et puis les médias ont dit que la vidéo de surveillance montre vraiment non seulement la gifle, mais aussi l'arrestation de Martinez, qui est en prison en ce moment avec une caution de 3390$ en date du 9 février. Ça commence à dater quand même, mais bon, mm-hmm. C'est vrai tout ça. Vous le savez. Hey, pouvez-vous voilà. Vous mêler de vos affaires, l'éducation des enfants, des autres, là? C'est leur problème. Tellement. D'accord. Score, Tania, est-ce que tu nous as compilé ça oui. Un petit peu? Score, c'est 4 à 4. Oh! 4 à 4? Mais là, je peux est-ce pas laisser que, ça comme est-ce ça. Est-ce que j'avais un point, par exemple, pour l'Australie? T'avais dit quoi? J'avais dit que c'était vrai. Et faux. Ouais. Je pense que ça méritait... T'as dû donner un point au complet? Ouais. OK. Pas ça? Bon, moi, ouais. Pas ça fallait je faire? C'est bien, c'est parfait. Ouais, okay. J'essaie juste de je voir avec quoi on termine. Je l'ai pas mis? Ben, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est pas grave. OK, mais... Disons que c'est 4-4. Moi, j'ai fait confiance, Tania, elle compte très bien ses points d'habitude, ce qui veut dire qu'on va devoir y aller en élimination avec un dernier point, et là, encore une fois, main derrière le dos. Est-ce que c'est vrai qu'un homme a été arrêté pour avoir joué au jeu du doigt, tu sais, le jeu, là, que tu fais le pouce avec l'index? The game. Avec un policier. Un homme qui aurait été arrêté après avoir trompé un officier pour l'avoir forcé à jouer au Circle Game lorsqu'on lui a demandé son permis et ses papiers. C'était en décembre 2017. J'ai envie de dire vrai. Insolence envers vous la police. Vous n'avez pas le droit de répondre la même réponse, là. Sinon, comment est-ce qu'on va déterminer un gagnant? Mais c'est lui qui a buzzé sonné, plus rapidement. T'as buzzé pour un point. C'est Tania qui prend le point parce que c'est faux! Oh! Ah! Oh! Oh! Boom! C'est selon l'article de parodie du site Hustlers.com. Donc voilà, c'était faux. Tania gang, félicitations. Allez, ça aurait été drôle, par exemple. Ben oui, je sais. Je vous arrête pour insolence en essayant de jouer à The Game. The Game. Les détails sur ce qui s'est passé, présumément, ce qui est faux, complètement sur assemblagerequis.com. C'était pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi avec la chronique financière de Philippe Fournier à 7h30. Mathieu Janvier va nous parler de jeux de société à partir de 8h. On n'aura pas David Ferron encore, parce que pourquoi est-ce qu'on aurait David Ferron? Là? On mérite pas ça, on mérite pas ça. Ouais. Une grosse pointe d'adresse va être là à 9h30 avec une dégustation culinaire sur nos ondes plus tard aujourd'hui, en ce mercredi. Compte à rebours va être en rappel à partir de 10h. Ensuite de ça, moi je vais être de retour pour le Mathieu Planchois à 15h. Frédéric Simon va être là comme chroniqueur. Qu'est-ce que tu présentes tantôt? Je sais pas. Cool, c'est à 15h au Mathieu Planchois. Ensuite, Audiomatique avec de l'électronique et Codon.ca avec de la musique alternative à partir de 18h. Siff.ca et assemblagerequis.com. On se retrouve demain à 7h. Oui, bye. Bon café tout le monde. Merci bye. Tout le monde. Merci Sébastien, Gaëlle Gertin. Merci Frédéric Simon. Merci Tania. Merci Mathieu. Bye. Okay, bye. Assemblage requis pour toi aujourd'hui.